Bonne année! Euclide est une mission de l'Agence spatiale européenne dont le lancement est prévu pour 2020. La mission a pour but de nous aider à mieux comprendre ce que l'on appelle l'univers sombre. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons la chance d'avoir une brillante astrophysicienne en la personne d'Anaïs Rassat. Si vous nous écoutez en direct sur live.podcastscience.fm, n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions en les adressant à @ps dans la chatroom. Nous sommes le mardi 12 janvier 2016, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 244. Bonsoir et bienvenue. Un rapide tour de table, donc nous avons avec nous Irène à Santa Barbara. Salut Irène. Bonsoir tout le monde. On a Tup à Paris, toujours là. Salut. Johan à Baltimore. Salut. Et ici à Lausanne, dans le nouveau bureau de Big Bang Science, flambant neuf, qui fait aussi office de studio du podcast, on a Anaïs Rassat. Bonsoir Anaïs, bienvenue. Bonsoir, merci. Et puis donc moi-même, le bon vieux dictateur déchu qui n'en finit pas de déchoir. Au sommaire de l'émission, l'interview, les pitchs des prochaines émissions, une quote, un rappel du quiz en cours et les détails de nos prochains événements. Alors, place aux choses intéressantes avec notre invitée Anaïs Rassat. Anaïs, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée, hein. C'est un plaisir d'être ici. Et je crois qu'en plus, tu rentres de voyage, tu es un peu cassée au niveau horaire. En fait, tu es vraiment courageuse d'être avec nous. Merci beaucoup. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Parler un peu de ton parcours, de tes passions, de tout ce que tu fais, enfin ce qui t'amène ce soir finalement. Oui, alors donc je m'appelle Anaïs Rassat, je suis astrophysicienne. Je travaille actuellement à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse et je travaille sur une mission spatiale qui s'appelle Euclide. Et Euclide est une mission qui est gérée par un consortium qui est la plus grande collaboration d'astrophysique à avoir jamais existé de tout temps, en fait. Donc ça, on est très fiers de cette statistique. Félicitations. Merci. Donc, je travaille sur Euclide depuis le début de cette mission. Et avant ça, j'ai travaillé sur d'autres projets de télescopes au sol, où j'ai fait des analyses de d'autres données. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'astrophysique et la cosmologie. Donc, la cosmologie, c'est l'étude de l'univers dans son ensemble, donc les plus grandes échelles de l'univers, et en particulier cette fameuse théorie de la relativité générale d'Einstein, dont je vais vous parler un peu plus ce soir. Formidable. Bon, je sens que tu vas revenir sur le podcast. Oui. C'est pas possible autrement. Tu viendras nous parler d'astrophysique, avec d'Einstein plaisir. Et de vulgarisation. Oui. Mais bon, une chose à la fois. Donc ce soir, on va s'intéresser à la mission Euclide, comme tu l'as dit. C'est une mission de l'Agence spatiale européenne. On dit l'ESA, l'ESA, comment ça se prononce en fait ? L'ESA. L'ESA, d'accord. Oui. Okay. Et son objectif est pour le moins ambitieux. Il s'agit de comprendre la nature de l'énergie sombre et de la matière noire. Alors je crois qu'il va falloir qu'on commence par revenir sur quelques fondamentaux. Mm-hmm. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Hein. Mais si j'ai bien compris, il y a un consensus aujourd'hui dans le monde scientifique sur le fait que 95% de l'univers nous est parfaitement inconnu. Pour le dire autrement, tout ce qu'on observe aujourd'hui, toi, moi, la table, le micro, l'immeuble, la ville, le lac, les montagnes, la Terre, la Lune, les autres corps célestes, les étoiles, les galaxies, les gaz, les poussières, la lumière visible ou non, tout ça donc compte pour moins de 5% de l'univers. Et le reste, les 95%, c'est quoi ? Donc c'est une très bonne question et c'est la question que se posent justement des astrophysiciens de ce dernier siècle en fait. Hein. Donc aujourd'hui, tout commence avec la relativité générale, donc cette théorie d'Einstein qui décrit comment fonctionne la gravité. Et en fait c'est une théorie passionnante parce qu'elle n'explique pas que la gravité. Hein. Donc la gravité c'est comment... par exemple, quand une pomme tombe d'un arbre, ça explique pourquoi elle tombe par terre, mais à plus grande échelle dans l'univers, c'est aussi pourquoi la Lune tourne autour de la Terre, par exemple, et la Terre autour du Soleil. Donc tout ça, c'est de la gravité. Et cette théorie de la relativité générale d'Einstein n'explique pas que la gravité, mais elle explique comment l'univers fonctionne dans son ensemble. Et donc, on va parler de toutes ces observations qu'on peut faire sur l'univers. Mais ce dernier siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait... aujourd'hui, on est quasi sûr, quelque chose qui s'appellerait de la matière noire ou de la matière sombre, qui serait de la matière. Donc déjà, on sait que c'est quelque chose de physique, comme la matière normale dont nous nous sommes faits, mais qui est exotique, qu'on ne voit pas sur Terre, mais qui existerait dans l'univers dans de très grandes quantités. Et ensuite, il y a une autre chose qu'on appelle l'énergie sombre. Et alors là, l'énergie sombre, c'est quelque chose d'encore plus exotique, parce qu'on ne sait pas encore moins ce que c'est que la matière sombre. Et là, c'est beaucoup plus récent comme, comme observation. On pense que y a une, donc, la relativité générale d'Einstein prédit que l'univers est en expansion. Et très récemment, on s'est rendu compte que l'univers était non seulement en expansion, mais en accélération. Ça, on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a un peu inventé cette énergie sombre qui pourrait expliquer cette accélération. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que ces mots sombres, donc l'énergie sombre, la matière sombre, qu'on appelle ensemble l'univers sombre, ce mot sombre veut dire qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc ça ne veut pas dire que c'est sombre, que c'est physiquement noir. Alors c'est... disons que c'est physiquement invisible, c'est pas vraiment noir, donc c'est-à-dire que la lumière ou les ondes électromagnétiques ne sont pas influencées par cette matière. Donc c'est sombre, oui, dans le sens où quand on regarde avec nos yeux ou nos télescopes qui sont sensibles au rayonnement électromagnétique, on ne détecte rien. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, c'est un peu conceptuellement sombre dans notre esprit aussi. Ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, toutes ces choses-là, si on ne peut pas les observer à l'œil nu, comment est-ce qu'on sait qu'elles existent ? Oui, alors les astrophysiciens et les astrophysiciennes ont, pour observer l'univers, des télescopes. Ils récoltent des photons, donc de la lumière. Donc effectivement, on ne récolte pas des photons qui viennent de la matière noire ou de l'énergie sombre. Par contre, il y a la matière noire, la matière sombre et l'énergie sombre peuvent interagir avec un environnement que nous, on voit. Dès les années 30, on commençait à voir que des amas de galaxies, par exemple, ne se comportaient pas de la manière à laquelle on s'attendait. Donc ça, c'était Zwicky, au début du siècle, qui avait observé ça et qui disait qu'en fait, il devrait peut-être avoir plus de matière que ce qu'on voyait dans les étoiles. Il y a eu d'autres observations dans les années 60, 70 sur la manière dont les galaxies... certaines galaxies sont en rotation, donc des galaxies spirales par exemple. Et là encore, on se rendait compte qu'il y avait un problème de vitesse de rotation par rapport à la quantité de matière qu'on pensait qu'il y avait juste en regardant les étoiles. Il y a d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces observations déjà sont extraordinaires, hein, donc qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de manquant, et elles sont aussi complémentaires. Par exemple, il y a une autre observation qu'on a faite avec ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Donc ça, ce sont des effets d'optique un peu. La théorie de la relativité générale d'Einstein prédit que l'espace-temps peut être déformé par la présence de matière. Et cette déformation, on peut la voir quand on a une galaxie, par exemple, qui se trouve derrière une déformation. Donc l'idée, c'est que la matière noire est présente, déforme cet espace-temps, et derrière, on a une galaxie tout à fait normale, qui a une forme tout à fait normale, mais l'image que nous, on observe, c'est quelque chose... Donc, on a des images qu'on voit avec le télescope Hubble, par exemple, des galaxies... alors, je vois des images qui passent... ceux qui nous écoutent nous voient ça ou... Non, je vous demandais, d'accord. Oui, effectivement. D'accord. Juste pour t'expliquer, donc là, ce que tu vois à l'écran, puis c'est aussi pour les auditeurs qui ne nous suivent jamais en live, comme ça, ils peuvent se représenter les conditions. Voilà. Ce qu'on voit à l'écran, c'est la chatroom avec les gens qui peuvent poser des questions, et puis un espace pour les images où nos illustrateurs postent des dessins de temps en temps, où on peut aussi mettre des photos. Donc tout ce qu'on voit là, les auditeurs qui nous suivent en live le voient aussi. Super. Donc cette image, par exemple, on voit... des arcs de cercles bleus dans le ciel. Et en fait, ceux-là, ce sont des galaxies qui n'ont pas du tout cette forme intrinsèquement, mais qu'on observe comme ça. Et c'est une façon de mesurer cette déformation de l'espace qui, du coup, est une façon de mesurer la présence de cette matière sombre. Donc ça, c'est des façons de détecter la matière sombre. D'accord, formidable. Bah, on va peut-être commencer par la matière sombre. Donc, tu as dit qu'il y avait une partie de l'univers, une petite partie de l'univers invisible qui est composée de matière sombre, et une plus grande partie encore d'énergie sombre. On reviendra peut-être sur l'énergie sombre après. On va commencer par la matière sombre. Matière sombre, matière noire, c'est la même chose ? Oui. D'accord. C'est juste, oui. Ok, alors on attaque. Joanne, tu avais des questions? Oui, donc tu es un peu revenu là, tu as parlé avec Zwicky de l'historique en fait. C'est quand à peu près qu'on commence à se rendre compte qu'il y a une matière donc, qui est, qu'on ne voit pas, mais qu'on sait que ça a quand même une masse. Et où est-ce qu'on en est à peu près actuellement avec les observations actuelles de la connaissance de cette matière? Donc les observations, ça commence vraiment pour moi en tout cas avec Zwicky, puis plus tard avec Vera Rubin, plus dans les années 60-70. Ensuite, il y a énormément d'observations indépendantes, donc indépendantes de par soit les télescopes, les équipes qui ont fait les observations, mais aussi indépendantes de par l'approche physique de mesurer cela. Donc Zwicky et Vera Rubin, déjà, c'était des mesures différentes. Ce dont j'ai parlé, des lentilles gravitationnelles, c'est encore autre chose. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres observations, par exemple les études du fond diffus cosmologique. Donc ça, c'est une lumière qui nous vient du tout début de l'univers, juste après le Big Bang. Encodée dans cette lumière, il y a de l'information sur la quantité de matière sombre, d'énergie sombre et de matière normale. Ces observations aussi pointe le doigt vers la présence de matière noire. Il y a aussi des observations de structures à grande échelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour Euclide, par exemple. Donc moi, je travaille depuis 12 ans sur ces structures à grande échelle. L'idée, c'est que, déjà, pour remettre en contexte, nous vivons dans un système solaire. Ce système solaire existe dans une galaxie, la Voie lactée. Mais en dehors de cette Voie lactée, il y a d'autres galaxies. Ça déjà, c'est un fait assez passionnant pour moi. Ça fait moins de 100 ans qu'on sait ça et c'est vraiment quelque chose pour moi qui force l'humilité de se rendre compte déjà de la taille de l'univers, mais aussi de rendre compte que ça fait si peu de temps qu'on a une compréhension de cette taille de l'univers. Donc toutes ces galaxies, on pense aujourd'hui qu'il y en a plus de l'ordre de 100 milliards. 100 milliards, hein, c'est énorme. Quand on regarde où elles sont dans l'univers, on voit qu'elles ne sont pas du tout distribuées de manière aléatoire. Il y a des structures qui sont vraiment visibles à l'œil nu. Et ces structures, elles sont directement liées aux équations de la relativité générale d'Einstein. Donc par structure, je veux dire des amas de galaxies, des filaments de galaxies, des endroits où il y a des vides, où il y a moins de galaxies. Et en étudiant la forme de ces structures, on peut aussi voir s'il y a de la présence de matière noire ou pas. Donc ce sont des choses vraiment moins tangibles à expliquer parce que c'est vraiment une comparaison statistique entre des observations et des équations. Mais le fait que ce soit des observations différentes de celles que faisaient Zwicky et Vera Rubin, voilà, donc là on voit une image d'une simulation de la structure à grande échelle. Et toutes ces observations différentes pointent vers le doigt qu'il y a vraiment quelque chose de la matière noire. Ok, donc Euclide, en fait, la mission Euclide, un de ses objectifs, ça va être de détecter cette matière si peu sensible au rayonnement lumineux. Donc elle va étudier justement ces structures à grandes échelles. Et puis est-ce qu'il y a autre chose comment est-ce qu'on va s'y prendre quoi pour moi ça reste totalement mystérieux. Si on peut pas avoir cette matière noire, comment est-ce que Euclide va l'avoir? Alors tout d'abord, on pense vraiment maintenant qu'il y a de la matière noire. Plusieurs observations avec des missions comme Planck par exemple, on pourra en reparler, pointent du doigt de combien il y a de cette matière noire, donc c'est à peu près 25%. Alors, bon, les chiffres changent suivant comment on fait l'analyse exactement. Donc ça, c'est quand on fait le total de ce qu'on devrait trouver dans l'univers. Voilà, exactement. Il y a 5% de matière qu'on connaît, puis il y aurait 25% grosso modo de matière noire. Exactement. Donc il y a une équation en cosmologie qui est en gros... donc une équation, c'est il y a un signe égal, il y a quelque chose à gauche, il y a quelque chose à droite. Ça me va comme définition. Voilà. Non, mais c'est important hein, parce que des fois on oublie le signe égal et donc c'est plus une équation. c'est moins utile sans signe égal. Donc cette équation à gauche, il y a les choses de l'univers. Donc c'est une somme, c'est de la matière normale, de la matière noire, de l'énergie sombre. Alors ensuite d'autres choses, des neutrinos, du rayonnement, égal. C'est ça l'équation fondamentale de la relativité générale. Et donc, c'est une façon plus simple de l'écrire. Et pour que les choses égalent 1, et ben de l'autre côté, c'est 0,25 matière noire, 0,7, donc c'est comme des pourcentages, hein, 0,25, c'est 25% de matière noire, 0,7 d'énergie sombre, donc 70%, et c'est 5% de matière noire. Et en fait, le reste, c'est 5% de matière baryonique, pardon, donc merci. La matière normale. Normale, quoi. Tout à fait. La question, donc, c'était comment est-ce que Euclide va voir cette matière noire ? Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur cette équation. On a cette fameuse théorie de la relativité générale d'Einstein, qui d'ailleurs a eu 100 ans en 2015. Hein, donc, les équations de cette théorie ont été écrites par Einstein en 2015. Il y a eu d'autres papiers scientifiques en 1915. Et il y a eu d'autres papiers scientifiques en 1916. Donc, moi, je vais tirer le centenaire sur plusieurs années. Hein, donc 2015-2016, ce sera toujours le centenaire pour moi. Donc, on a cette fameuse équation, cette fameuse théorie qui nous explique comment la gravité, mais non seulement la gravité, mais l'univers dans son ensemble fonctionne. Et si on se sert de cette équation et qu'on compare avec les observations, ça ne marche que s'il y a cette énorme quantité de matière sombre, 25%, cette énorme quantité d'énergie sombre, 70%. Alors, on peut se poser la question, essayons d'étudier la matière noire, essayons d'étudier l'énergie sombre, il faut qu'on en apprenne plus. Mais on peut aussi se dire, on a une équation qui fonctionne si 95% de l'univers est complètement inconnu. Donc on peut aussi se dire, ce signe égal qu'on a mis, est-ce qu'on peut aussi mettre un point d'interrogation ? Est-ce que c'est peut-être l'équation qui a peut-être un problème ? Donc c'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui en cosmologie, c'est qu'on a, ces dernières décennies, réussi à quantifier ces 25% et 70%, mais on voudrait étudier en parallèle de voir si c'est possible qu'il y a peut-être des modifications à faire à la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et une des forces de Euclide, c'est de pouvoir essayer de répondre à ces deux questions en parallèle. Et ça, c'est vraiment, vraiment une force. La stratégie pour Euclide, c'est de regarder vraiment des effets physiques. Le premier, c'est ces structures à grande échelle dont j'ai parlé. Donc, on voit cette image ici. On voit vraiment à l'œil nu des structures. Donc, l'idée là, c'est que les endroits lumineux dans cette image sont des densités fortes de matière sombre. Donc, c'est un peu contre-intuitif. C'est là où il y a beaucoup de lumière, c'est là où il y a beaucoup de matière noire, en fait. Donc, c'est une simulation de la matière noire. D'accord. Alors, juste pour les auditeurs qui ne nous suivent pas en live et qui n'auront aucune idée de quelle image on parle, moi, j'aurais pensé que c'était un réseau de neurones, ce truc-là. Tout à fait. C'est très intéressant d'avoir dit ça parce que ça ressemble vraiment à un réseau de neurones. Donc, c'est en fait une image de l'univers aux plus grandes échelles aujourd'hui. Okay. Alors, ça peut aussi faire penser à une structure en nid d'abeille ou une toile d'araignée. Donc, en anglais, on appelle souvent ça le cosmic web, une toile d'araignée cosmique un peu. Mais ça peut aussi ressembler à des réseaux neuronaux. Et c'est très, très intéressant, moi, je trouve, justement, qu'on retrouve à différentes échelles des structures similaires, en fait. Ouais. Ça, c'est très, très, très intéressant. Et puis, bon, le cerveau humain aime bien voir des schémas qui se reproduisent aussi. On est un peu câblé pour ça. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ces schémas, en fait, donc, c'est le fait que c'est les galaxies dans l'univers. Donc, je rappelle, on est dans la Voie lactée, mais il y a d'autres galaxies dans l'univers. Elles ne vivent pas de manière indépendante. Elles interagissent de par la gravité. Ces galaxies, elles sont faites d'étoiles, mais aussi de matière noire. Donc, cette matière est attirée l'une vers l'autre. Et naturellement, se forme ce genre de structure où des endroits où il y avait un peu plus de galaxies au début de l'univers, eh ben, il va en avoir de plus en plus parce que la gravité va les attirer vers ces centres denses. Et donc, il y aura d'autres endroits, par extension, qui seront plutôt vides. Et donc moi, une des choses que je fais dans mon travail, c'est d'étudier les statistiques de ces structures. Donc, quelle est la taille de ces vides, est-ce qu'il y a des échelles qui se répètent, ce genre de choses. Et ça s'étudie avec des outils mathématiques et statistiques. Et ça se compare avec ce qui est prédit par la théorie de la relativité d'Einstein. C'est difficile de vraiment donner une image parce que c'est un élément physique très subtil. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si on fait une simulation. Donc, par exemple, il y avait ces images de simulation. Si on change la quantité d'énergie sombre dans les simulations, les schémas, à l'œil nu, ont l'air différents. Et donc, c'est comme ça qu'on peut quantifier en fait combien il y a d'énergie sombre ou de matière noire en regardant ces structures à grande échelle dans l'univers. Parce que quand on le regarde, on a juste une seule observation. En fait. Donc, ça veut dire que la taille de ces vides et la taille de ces filaments va nous encoder en lui de l'information sur la présence de matière noire et d'énergie sombre. Ok, c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure. Pardon. Alors, merci de m'avoir interpellé sur cette question de ce que je voulais dire à l'œil nu. Effectivement, je vais revenir dessus. Quand on parle de structure à grande échelle, comment les astrophysiciens étudient cette structure, c'est simplement en faisant des catalogues de galaxies. Donc, c'est presque de la botanie. On prend un télescope, on regarde dans le ciel. Là, je vois une galaxie. Hop, je note. Alors, c'est fait de façon un peu plus automatisée que cela. Je note ses coordonnées dans le ciel. Donc, c'est vraiment deux points. Un angle longitudinal, un angle à l'horizon. Et puis, on le marque dans son cahier ou dans son fichier, parce que maintenant, on a des milliers, des millions de galaxies, avec Euclide des milliards. Et on peut faire une carte. Donc, on prend un papier, on fait, bon, là, il y a une galaxie. On le fait avec un million de galaxies, disons. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout distribuées de manière aléatoire. Et c'est pas ça que je veux dire par à l'œil nu. C'est une fois qu'on les a cartographiés sur une feuille ou sur son écran, à l'œil nu, il y a vraiment quelque chose qui se détache. On voit des vides, on voit des filaments, on voit des amas. Et si on fait des simulations et qu'on change... quand on fait une simulation, il faut donner quelque chose en entrée. Il faut dire, dans cet univers, je simule un univers avec tant de matière noire, tant d'énergie sombre. Et si je change ces quantités, ce qui va sortir de ma simulation va avoir une tête très différente à l'œil nu. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin d'outils statistiques sophistiqués pour le voir. Je vois tout de suite. Ouais, d'accord. Mais alors du coup, je digresse un peu, mais alors du coup, tu veux dire que c'est plus efficace à l'œil nu qu'avec d'autres outils et que finalement c'est ça qu'on utilise ? Non, c'est pas plus efficace à l'œil nu, mais c'est frappant à l'œil nu. C'est déjà. D'accord. Ça que je veux dire, c'est qu'à l'œil nu, déjà, on voit que ça change. Ensuite, c'est une science quantitative, donc on va utiliser des outils statistiques même très, très développés, parce que là, je vous ai fait j'ai changé que deux paramètres dans mes simulations inventées. Je changeais juste la matière noire et l'énergie sombre. Il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on peut changer qui peuvent compenser ou se mimiquer. Du coup, il faut là vraiment faire des analyses statistiques. Et puis, comme toutes les sciences avec des données, on a la chance d'avoir des données de plus en plus grandes. Donc, on va vraiment pouvoir comparer des théories avec de plus en plus de précision. Et pour ça, il faut des mathématiques, des statistiques et des programmes, des algorithmes informatiques. J'ai une question extrêmement naïve qui n'était pas dans le conducteur, elle me vient à l'esprit maintenant, mais quand tu parles de jouer avec les variables que sont la matière sombre et l'énergie sombre, est-ce que la matière sombre devrait rapprocher les galaxies les unes des autres et l'énergie sombre les éloigner les unes des autres ? C'est un peu... il faudrait que je réfléchisse à mes situations. c'est plus compliqué que ça. Il y a des effets physiques qui se passent à différentes échelles, en fait. Mmh. Et comment expliquer ? Il y a vraiment une superposition d'effets physiques. Et du coup, en fait, chaque effet physique va avoir un effet à différentes échelles. Donc, c'est... il faudrait que je puisse faire un cours... D'accord. Non, ma question était trop naïve. C'est une très, très bonne question. Ça. Mais justement, c'est aussi pour cela qu'on a vraiment besoin d'outils statistiques puissants, en fait. Parce que... En science, des fois, on dit de faire les choses à l'œil. Donc, nous, on fait comme ça avec le pouce en regardant les données. Mais en fait, on ne peut pas. Mais la raison pour laquelle on ne peut pas, c'est parce qu'on a de la chance. Parce qu'on a énormément de données. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 100 ans, Oui, on pouvait faire un peu à la louche comme ça, mais parce qu'on n'avait pas de données. Donc, du coup, les barres d'erreur étaient tellement grandes qu'on pouvait un peu faire les choses à la main. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on a énormément de données, mais du coup, on va sonder énormément d'effets physiques qui ne sont pas les effets premiers. On va avoir des effets secondaires qui, des fois, vont dominer. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Mmh. Donc, c'est peut-être un peu frustrant, mon explication, parce que tout ce que je vous dis, c'est de regarder des images et de me croire qu'on fait ce qu'on peut. On a confiance dans nos observations. En l'occurrence, tu vois, j'avais l'impression d'avoir compris quelque chose. Ta réponse est très claire. C'est pas aussi simple que ça. Oui, voilà. Oui, donc, j'avais pas compris. C'est très compliqué, mais en fait, c'est une chance parce que c'est vraiment une chance d'avoir toutes ces données parce qu'on peut sonder ces effets secondaires qui contiennent aussi de l'information. Pour les lentilles gravitationnelles, c'est plus facile d'avoir une image visible. Donc là, c'est cette déformation de l'espace qui déforme les galaxies en arrière-plan. Et donc ça, c'est, je ne sais pas si on peut remontrer ce cosmic smiley là qui était. On peut. Voilà. Celui-ci. Donc ça, c'est vraiment des déformations spectaculaires, ces arcs de cercle bleu. Et encore une fois, je répète, ces galaxies sont tout à fait normales, c'est juste l'image qui est déformée. Et justement, c'est cette déformation qu'on va pouvoir étudier. Donc cette déformation ici est vraiment spectaculaire, et c'est ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles fortes. Fortes parce que c'est complètement déformé comme ça. Et c'est complètement déformé parce que cette galaxie est très proche dans l'alignement du ciel de la matière noire qui déforme l'espace. Et c'est pour ça que la déformation est aussi forte. Mais maintenant, toute galaxie dans le ciel, donc nous on voit une galaxie parce qu'il y a un rayon, des photons qui partent de la galaxie, qui voyagent dans l'espace en ligne droite vers nous. Et donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que cette ligne droite, elle n'est pas tout à fait droite, en fait, parce que l'espace va être déformé par la présence de matière noire. Donc, si y a énormément de matière noire exactement là où passe le rayon de lumière, on va avoir un effet, comme sur cette image, de grande déformation. Mais si la matière noire n'est pas vraiment dans la ligne de visée, ça va être un tout petit peu déformé. Et en fait, ça ne va pas du tout être spectaculaire comme ça. Ça va être même très, très difficile de le voir à l'œil nu. On va juste voir une galaxie et il va se trouver qu'elle ne va pas être exactement de la forme qu'elle était, mais impossible de savoir juste en la regardant qu'elle a eu cet effet de gravitation, de déformation gravitationnelle. Donc, là où c'est spectaculaire, c'est des lentilles gravitationnelles fortes. Et quand ce n'est pas spectaculaire, c'est des lentilles gravitationnelles faibles. Okay. Alors, le mot « faible », décrit l'amplitude du phénomène, mais en fait, c'est la partie faible qui est très, très intéressante pour Euclide, parce qu'il y en a, toutes les galaxies sont victimes, entre guillemets, de cet effet faible, et comme toutes les galaxies le sont, ça veut dire qu'on a énormément de données avec lesquelles travailler. Et même si c'est un effet faible, en fait, c'est extrêmement puissant pour mesurer la présence de matière noire, mais aussi pour regarder comment l'énergie sombre, la présence d'énergie sombre. Jeanne, tu avais une question sur la matière ? Pour la matière, en fait, j'avais une question. On a fait une émission au CERN l'année dernière. On avait parlé à ce moment-là de la matière, du modèle qu'on appelle le modèle standard, qui permet de parler d'atomes, d'électrons, de photons, de neutrinos, donc qui contient toutes ces particules, toute la matière qu'on connaît. Ce modèle est maintenant assez solide. Il a été bien vérifié. Il continue à être vrai, alors même que le CERN continue ses expériences. Comment s'insère la matière noire en fait dans ce modèle standard pour le moment ? Est-ce que le modèle standard pourra être étendu ? Est-ce qu'on n'en sait rien ? Est-ce qu'il faudra changer le modèle ? Alors oui, tout à fait. Donc déjà, je voudrais clarifier les termes parce qu'en physique des particules, on a le modèle standard de physique des particules et en cosmologie, on a le modèle standard de cosmologie. Donc c'est vrai ? Voilà. Wow. Donc quand on dit modèle standard, la plupart des gens peut-être pensent celui de physique des particules. Ouais. Donc, qui est la description des particules élémentaires qui existent dans l'univers. Et aujourd'hui, la grande question, c'est que la matière noire n'est pas prédite. Donc, c'est de pouvoir expliquer qu'est-ce que la matière noire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore détecté ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'autre ? Est-ce que ça ouvre toute une autre porte ? Donc, c'est tout à fait pertinent dans ce questionnement de la physique des particules. Tout à l'heure, vous avez dit que la matière noire était très peu... je ne me rappelle plus le terme que vous avez utilisé, on le détecte très peu ou il interagit très peu avec... Donc la question, c'est tout de savoir, est-ce que ça n'interagit pas du tout ou est-ce que ça interagit un tout petit peu, mais pas assez pour qu'on puisse détecter ça. Donc ça, c'est aussi ce questionnement par rapport à la matière noire. Et puis ensuite, le modèle standard de cosmologie, donc, comme j'en ai parlé, c'est justement cette idée que l'univers commence par un Big Bang, est suivi par une période d'accélération qu'on appelle inflation, où les échelles sont agrandies de manière très très rapide, à très très grande échelle. Mmh. Et en fait, ça agrandit à tellement rapidement que les échelles quantiques sont agrandies à des échelles cosmologiques. Donc ça, c'est très important, enfin c'est très intéressant en cosmologie parce que on a des fluctuations quantiques dans l'univers au tout début après le Big Bang, donc des endroits où il y a des particules et d'autres endroits où il n'y en a pas. Ces fluctuations, elles sont agrandies à des échelles cosmologiques par cet effet qu'on appelle inflation. Et ces fluctuations restent, donc du coup, sont gelées dans l'univers juste après cette inflation et sont en fait les graines qui, par la suite, donnent les structures à grande échelle et les galaxies. Donc il y a cette interaction entre les échelles quantiques et cosmologiques. Voilà, donc ça, c'est le modèle standard de la cosmologie qui est aussi de dire qu'il y a tant de matière noire, tant d'énergie sombre et tant de matière normale. Ok, je disais tout à l'heure en début d'interview qu'il faudra probablement que tu reviennes nous expliquer des trucs. Là, je sens qu'il y a de quoi faire une émission rien que là-dessus. D'accord, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Avec un immense plaisir. Et puis alors, toujours pour parler de ce qu'on a vu au CERN, l'antimatière, ça s'inscrit comment là-dedans? Il y a une antimatière noire aussi? Ça n'a rien à voir. C'est une super question, je ne sais pas en fait. Oui. Donc l'antimatière, ça s'inscrit dans le modèle standard de la physique des particules. Mm-hmm. Donc si on comprend, pour chaque particule élémentaire qu'on connaît, il y a une antiparticule. Donc il y a la même masse, mais les autres... Les charges opposées. Voilà, les charges opposées, et puis les autres... donc les autres nombres sont opposés, mais ce n'est pas de la matière noire. Mmh. Alors, ça, c'est une super question. Je vais regarder. Je ne sais pas s'il y a de l'antimatière noire. Je suis désolé, ma question de troll. Ah non, mais justement, c'est une super conversation. Du coup, moi, j'ai complètement perdu le fil avec tout ça. Je crois qu'on a plus ou moins fait le tour de la matière noire. Je ne sais pas si on avait des questions, peut-être, dans la chatroom sur la matière noire avant de passer à autre chose. Quelqu'un a relevé les questions de la chatroom? Il y avait une discussion entre Dalek et Johan sur la chatroom. Peut-être que tu peux la résumer, Johan, qui est parti sur la matière noire, justement. Il faut te démuter, Johan. On va se poser une question à la fin. Je pense qu'on va garder pour la fin sur les ondes gravitationnelles. Alors, on avait une question de Dalek qui dit « La matière noire ne sera réellement découverte que si on peut la détecter en laboratoire. Il y a beaucoup d'expériences sur le sujet. Est-ce que vous croyez à cette découverte ?» Et quid de l'énergie noire? Donc, je te reposerai la même question quand on aura fini l'énergie noire. Oui, donc il y avait une petite discussion parce que moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Pour moi, l'astrophysique, on fait quand même des découvertes, même si c'est pas forcément testable en laboratoire. C'est mon avis. Après, je pense qu'on serait ravis d'avoir le tien. Oui, c'est très intéressant cette question de qu'est-ce que veut dire détection? Une détection indirecte, mais avec des effets physiques qu'on comprend très bien, des barres d'erreur très petites, des observations répétées avec des télescopes différents, des équipes différentes. Pour moi, c'est une détection. Mais c'est vrai que ça ne veut pas forcément dire qu'on sait ce qu'on a détecté. Donc aujourd'hui, en cosmologie, on est sûr qu'il y a quelque chose qui répond aux critères de la matière noire, parce qu'on le voit dans les études du fond diffus cosmologique, avec le satellite Planck, WMAP par exemple. On le voit dans les structures à grande échelle, donc ces cartes de galaxies. Par contre, on le voit à plus petite échelle avec les courbes de rotation des galaxies. Voilà, par contre, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, c'est aussi une des grandes questions à laquelle on essaye de répondre avec Euclide et en cosmologie. On sait qu'il y a de la matière noire, on ne sait pas quelle est la nature de cette matière noire. Donc ça, on peut essayer de le détecter avec des accélérateurs de particules, mais on peut ou en laboratoire. On peut aussi étudier la nature en continuant à faire des études de lentilles gravitationnelles et de structures à grande échelle. Ok. On va parler un peu d'énergie sombre maintenant. Joanne, tu avais une question ? Oui, donc on était, comme tu as fait tout à l'heure, un petit historique en fait de la découverte et de l'étude de la matière noire. Est-ce que tu peux nous faire la même chose pour l'énergie sombre ? On avait déjà un petit peu parlé sur l'épisode de Hubble ou l'épisode de cosmographie pour les auditeurs de la raison de l'introduction de l'énergie sombre par les astronomes. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler ce contexte historique ? Oui, donc l'idée c'est que donc Einstein a développé cette théorie de la relativité générale et quand il a développé, en fait, une des choses intéressantes, c'est que cette théorie prédisait un univers qui n'était pas statique, mais donc qui pouvait changer avec le temps. Donc, en l'occurrence, la théorie prédisait que l'univers était en expansion. Donc, ça veut dire que deux choses, deux galaxies, par exemple, à des endroits dans l'univers, si un univers était en expansion, ces galaxies naturellement s'éloigneraient l'une de l'autre. Donc Einstein, il avait un peu de problème, de mal avec cette idée d'univers non statique. Donc il avait rajouté cette fameuse constante cosmologique. Donc je ne sais pas si vous en aviez parlé la dernière fois. On a dû en parler, oui. Voilà. Donc c'est en gros une variable qu'on a le droit de mettre dans une équation. Et on dit, il a mis vraiment pour corriger, en fait, pour se dire, bon, c'est pas possible que ce soit non statique, donc je la mets. Et puis ensuite, quand on s'est rendu compte avec des observations, par exemple celle de Hubble, que l'univers était en fait compatible avec un univers non statique. Donc on s'est dit, on garde cette variable, mais on la met à zéro parce qu'on n'en a plus besoin. Mais elle est quand même restée un petit peu, elle a traîné dans les livres. Et donc beaucoup plus tard, dans les années 90, on a fait des études pour essayer de mesurer la vitesse de cette expansion. Et on essayait donc, ça on le faisait avec des mesures de supernovae, de supernova. Et l'idée, c'était qu'on essayait de mesurer si l'univers était en expansion, qu'il allait continuer à être en expansion, ou s'il allait ralentir, en fait. Et ce qu'ils ont mesuré, c'était que l'univers était en fait en accélération. Donc, c'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Ça, c'était en 98. Il y a deux équipes différentes et qui ont eu le prix Nobel en 2011, je crois, ou 2012, pour cette découverte. Alors, il y avait déjà, dans les années 80, d'autres études sur les structures à grande échelle qui pointaient qu'il y avait sûrement quelque chose de cet ordre-là, mais c'était un peu moins direct. Et donc, on s'est dit, l'univers est en accélération, ça ne fonctionne pas avec l'équation, la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc, on se rappelle que cette théorie peut être résumée avec une équation, donc un signe égal à gauche de l'équation, toutes les choses qui sont dans l'univers, et à droite, égale 1. Et donc, ça ne fonctionnait pas. Donc, on s'est dit, on va rajouter quelque chose à gauche de cette équation. Et ce qu'on a rajouté, c'était l'énergie sombre. Une énergie qui, par construction, avait comme effet physique de créer cette accélération de l'univers. Mmh. Donc, c'était vraiment par construction. Maintenant, là, ce n'est pas tout à fait comme la matière noire où on a vraiment, on sait qu'il y a de la matière, quelque chose de physique. L'énergie sombre, si on pose la question à différents astrophysiciens, les gens seraient moins... Enfin, moi, personnellement, je serais moins surpris si on se rend compte qu'en fait, ça n'existe pas, mais c'est qu'on a mal compris l'équation ou qu'à très grande échelle, les choses se passent de façon différente. Parce que là, on ne sait tellement pas ce que c'est que si on nous dit que ça n'a rien, ben OK, pas de problème. Donc, mais c'est vraiment le début, en fait. Donc, voilà. Et donc, pour ça, là aussi, Euclide va beaucoup aider. Donc, ces deux mesures physiques des structures à grande échelle et les lentilles gravitationnelles vont aider à la fois pour la matière noire, pour comprendre combien il y en a et sa nature, à la fois aussi pour l'énergie sombre. Donc ensemble, je rappelle que c'est sa matière sombre et l'énergie sombre, on appelle ça l'univers sombre. Donc c'est l'ensemble de notre manque de connaissances sur l'univers. Et ça va aussi nous permettre en parallèle de mesurer, enfin de tester l'équation d'Einstein, de voir si à grande échelle, elle fonctionne toujours, en fait. D'accord, parce que donc ce paramètre qu'on a réintroduit à la fin des années 90, quand on s'est aperçu que l'univers était en expansion et que cette expansion s'accélérait, ça correspondait finalement pile poil à la constante cosmologique qu'Einstein avait prévue. Voilà, donc j'ai oublié de dire ça. Ouais. Oui, voilà, donc c'est lié à la constante cosmologique. Donc la constante cosmologique et l'énergie sombre sont presque synonymes, dans le sens que tous les deux créent cette accélération de l'univers. Mm-hmm. Maintenant, l'énergie sombre, c'est juste quelque chose théoriquement plus compliqué qu'une constante cosmologique. C'est la même chose, mais sans être une constante. Donc, ça permet d'être quelque chose qui existerait partout dans l'univers, mais peut avoir des fluctuations, être un peu plus dense à des endroits, un peu moins dense à d'autres, alors qu'une constante cosmologique, par définition, est constante. Mmh. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas forcément besoin d'être constante. Donc, en physique, on commence par les choses simples, une constante, et puis quand on voit qu'il y a de la marge, on rend les choses un peu plus compliquées. Mmh. Donc, c'est ça, l'évolution de la constante cosmologique à ce qu'on appelle l'énergie sombre. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, là aussi, tu m'arrêtes si je dis une connerie, c'est un peu ma spécialité, mais donc, l'énergie sombre, aujourd'hui, c'est juste un truc qu'on a mis dans l'équation pour arriver à 1, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on va l'observer? C'est quoi la stratégie, en fait, pour que Euclide valide quoi, d'ailleurs, son existence ou... Oui, tout à fait. Donc, Euclide va faire plusieurs observations. C'est deux grandes observations qui sont vraiment ces cartes de galaxies, cette structure à grande échelle, et les lentilles gravitationnelles. Ces deux effets physiques, ces deux mesures, mesurent cette équation dont j'ai parlé. Donc, à chaque fois qu'on mesure des lentilles gravitationnelles, on arrive à voir... quelle est la somme des choses qui est égale à 1. D'accord. Donc, on affine, en fait, le calcul. Voilà, on affine les quantités. Donc, on peut savoir exactement quels sont les pourcentages. Mais on peut aussi... Alors, je vous ai parlé d'une équation qui... C'est vraiment ça, hein, l'équation avec la somme de toutes ces choses égale à 1. Mais après, il y a d'autres équations qui sont un peu plus subtiles et qui, là, peuvent mesurer, en fait... comment se comporte, quel type de matière est la matière noire. Donc ça, en physique, c'est ce qu'on appelle on peut mesurer les équations d'état. Donc c'est vraiment quelque chose qui décrit comment cette matière interagit. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer. D'accord. Mais donc finalement, la matière noire, on a beaucoup plus d'espoir. On est plus avancé pour décrire ce qu'est la matière noire aujourd'hui que l'énergie sombre. En fait, historiquement, on avait tellement peu de données qu'on répondait à une question à la fois. Ouais. Combien il y a de matière noire dans l'univers? Une question. Une autre, l'expansion de l'univers accélère-t-il ou est-ce qu'il est constant? Une autre question. Mmh. Ensuite, on pouvait aussi tester la relativité générale et dire est-ce que cette relativité générale fonctionne dans tous les systèmes physiques que je vois. Mais quand on veut vraiment tester une théorie, il faut réussir à poser ces questions en même temps. Donc ça, c'est une des forces d'Euclide, c'est qu'on va pouvoir faire des observations et dire est-ce que ça colle avec de la matière noire et la relativité générale. Donc je vais pouvoir introduire plus de paramètres et j'aurai tellement de données. Donc juste pour rappeler, on va avoir plus de 1 milliard de galaxies dans Euclide. Donc juste pour donner une ordre d'idée... En 1920, on ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies que la Voie lactée. Dans les années 80, on a commencé à faire des relevés de galaxies avec 6000 galaxies. Moi, quand j'avais fait ma thèse, j'avais commencé avec un relevé qui s'appelle IRAS, où il y avait 6000 galaxies. En 2004, on avait des relevés sur tout le ciel avec 1 million de galaxies. Et maintenant, on va passer à 1 milliard de galaxies cartographiées sur tout le ciel. C'est énormément de données. C'est une chance pour la cosmologie. Et c'est justement quelque chose que je trouve fascinant. C'est qu'on est exactement 100 ans après cette théorie de la relativité générale. On a des grandes questions, des grandes zones d'ombre sur notre compréhension de l'univers. Et on a enfin les moyens technologiques de répondre à ces questions. avec Euclide, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment... en plus, je trouve ça vraiment beau que ce soit vraiment 100 ans après Einstein aussi, parce que c'est... Bon, moi, j'aime bien les chiffres ronds, et, et du coup, je trouve ça symbolique et beau. On parle de cartographier l'énergie sombre avec Euclide. C'est une image où on arrivera vraiment à se représenter quelque chose? Alors, on cartographie l'univers sombre, oui, c'est-à-dire que la matière noire, c'est comme les galaxies. Donc, elle n'est pas distribuée de manière aléatoire dans l'univers. Il y a des structures. Donc, si on retourne à cette simulation qu'on voyait, c'est vraiment des simulations de matière noire. Donc, ça, c'est la distribution de matière noire. Il y a des endroits où il y en a moins, il y a des vides. Il y a des endroits où il y a des larges concentrations de matière noire. Mais comme elle est invisible, la seule façon une des façons de les détecter, c'est parce que cette structure va déformer l'espace-temps en suivant cette structure, en fait. Donc, si on observe, par exemple, les lentilles gravitationnelles en arrière-plan, on peut reconstruire où est la matière noire qui déforme ces galaxies. Et donc, on va vraiment cartographier l'univers, l'univers sombre. C'est-à-dire, on va cartographier où physiquement se trouve la matière noire. Je pourrais pointer le doigt dans le ciel et dire là, il y en a tant. À droite, il y en a moins. À gauche, il y en a plus. Et encore une fois, symboliquement, quand on regarde historiquement, il y avait les explorateurs qui cartographiaient les nouveaux continents qu'ils découvraient, les astrophysiciens vraiment cartographient l'univers, alors soit en comptant les galaxies dans le ciel, soit en regardant les lentilles gravitationnelles. Et c'est vraiment c'est la même chose pour moi, l'exploration. Ok. Johan ? Alors, en fait, j'ai rajouté une question non plus qui n'était pas dans le conducteur, et on en a discuté un petit peu avec Alan avant le début de l'émission. Je t'ai dit plusieurs fois dire l'univers sombre, et moi, ça me gêne en fait parce que ça donne l'impression qu'en fait, entre cette énergie sombre et cette matière noire, il y a quelque chose de commun, mais en fait, c'est pas le cas, si. Enfin, à part qu'on ne sait pas ce que c'est finalement, on ne pense pas que ce soit. Théoriquement, qu'ils aient quelque chose de commun, si. Je suis pas sûr. Je pose vraiment la question. Oui, c'est une très bonne question. Alors, avoir en commun qu'on ne sait pas du tout ce que c'est déjà beaucoup. Je veux dire, on a mis ça dans le même sac, c'est-à-dire ça, on ne sait pas, ça, on ne sait pas. Si on dit univers sombre, on a l'impression qu'il y a moins de choses qu'on comprend pas, peut-être. Alors, sinon, pour répondre à l'autre partie de la question, je crois qu'il y a certaines théories qui essayent d'unifier ces deux choses, de montrer que c'est deux côtés d'une même pièce. Mais alors, pour l'instant, ça ne nous surprendrait pas si ce sont des choses différentes. Mais vraiment, quand on dit univers sombre, c'est plus pour mettre dans le même sac toutes les choses qu'on ne comprend pas et dire qu'on va pouvoir les étudier les deux en même temps. La partie immergée de l'univers. Alors, et sinon, je voudrais revenir aussi à une question. Alors, tu l'as un petit peu évoqué un petit peu avant. J'entends pas mal de gens dire, on l'entend assez souvent, que, autant d'ailleurs, je pose la question pour l'énergie sombre, mais je l'ai déjà entendu aussi pour la matière noire, que ça serait l'éther actuel. En gros, donc, pour rappeler aux auditeurs, l'éther, c'était quelque chose qui remplissait l'univers, qu'on pensait qu'il remplissait l'univers au XIXe siècle, qu'on lui attribuait la façon que ça conduisait la gravité, que ça conduisait les ondes lumineuses, que ça... Et en fait, on s'est aperçu que c'était une sorte de bandage, un truc qu'on mettait pour combler les failles théoriques qu'on avait à la fin du XIXe siècle, mais qui en fait a été rendu caduque par les théories du XIXe siècle, en particulier la relativité générale. Et donc, bah, tu l'as un petit peu évoqué, mais est-ce qu'on doit s'attendre à ce que l'un ou l'autre de ces deux, de l'énergie noire ou de la matière sombre, en fait, soit juste un problème finalement théorique et que ça ne soit pas quelque chose qui existe vraiment, et donc finalement que Euclide remette totalement en question nos théories actuelles? Alors déjà, en science, il faut toujours, je pense, garder l'esprit ouvert que toutes les théories qu'on a, à un moment dans le futur, elles pourraient être montrées qu'elles ne fonctionnent plus. Et bon, ça, c'est difficile, hein, parce que les scientifiques sont humains aussi, mais si on travaille sur plusieurs générations, on y arrive des fois. Après, ce que je disais, c'est que la matière noire, la matière sombre, là, on a quand même de solides bases du fait qu'on l'a observé avec des observations indépendantes, à la fois par des équipes différentes, des télescopes indépendants et même des effets physiques indépendants. Donc on pense vraiment qu'il y a quelque chose qui ressemble à de la matière, mais qui n'interagit pas de la même façon que la matière qui existe sur Terre. Pour appuyer sur ce que dit Johan, ce que tu dis là, le fait que ce soit des équipes indépendantes, bon, ça montre que c'est un travail sérieux qui est fait, mais ils l'ont fait avec notre regard actuel, avec la relativité et tout. Quand ils parlaient de l'éther, c'est que c'était leur moyen à eux d'expliquer qu'il y avait de la propagation de la lumière à certains endroits, et donc ils disaient, on observe que l'éther existe parce qu'on voit bien que la lumière se propage à certains endroits, etc. Je caricature un peu, mais... Oui, oui, tout à fait. Mais alors, justement, c'est pas juste des équipes indépendantes, mais c'est aussi qu'on le détecte avec les amas de galaxies, on le détecte avec les galaxies spirales, on le détecte avec le fond diffus cosmologique. Donc, c'est aussi des effets physiques à différentes échelles, à différents endroits de l'univers, à différents moments de l'univers. Et ça se recoupe. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas réussi à montrer que c'était faux. Et c'est comme ça que la science fonctionne. Mais du coup, pour la matière sombre, a priori, pour l'instant, avec les données qu'on a, ça fonctionne. Par contre, l'énergie sombre, c'est vrai que c'est plus récent. On a fait des observations à très, très grande échelle. C'est les premières fois qu'on avait des observations à aussi grande échelle et puis ça ne marche pas. Du coup, là, c'est plutôt là où il y a de l'espace d'être un peu l'éther. C'est-à-dire que ce que je disais, si on montrait rapidement que l'énergie sombre, on n'en avait pas besoin pour expliquer cette accélération, mais que c'était autre chose qu'on ne comprenait pas, je ne pense pas que ça prendrait trop de temps pour la communauté d'accepter cela. Et tu peux m'arrêter si je digresse, mais je crois qu'on l'avait un tout petit peu évoqué avec Jean-Pierre Luminet, et un lien possible avec l'énergie du vide pour l'énergie sombre. Oui, alors l'énergie du vide, en fait, c'est la même chose que cette constante cosmologique. C'est lié, tout à fait. Donc si c'est une constante cosmologique, c'est équivalent à l'énergie du vide. Ah d'accord, je pensais que ça faisait partie des théories possibles, mais que le lien n'était pas établi. Mais tu dis que c'est la même chose du coup. Oui, oui, c'est la même chose. Alors il y a toujours ce problème de... Donc c'est la même chose. Parce que l'énergie du vide, elle, il y a des expériences, je ne sais plus comment s'appelle l'expérience, et célèbre avec un nom russe, où ils ont mis en exergue l'énergie Casimir. Du vide. Oui, c'est quel effet Casimir ? Alors, d'après ce que je comprends, il y a une subtilité de l'amplitude de ce phénomène, qu'on le regarde par les yeux de physique de particules ou par le regard des cosmologistes, mais conceptuellement, c'est la même chose. Mais oui, c'est pas résolu, hein, ça c'est sûr. Ok, si on en revient à notre mission Euclide, donc elle a ses deux objectifs, les lentilles gravitationnelles et la cartographie 3D des amas de galaxies. Mm-hmm. Est-ce qu'on va en profiter pour apprendre d'autres choses encore, en plus de ces objectifs ? Oui, tout à fait. Alors déjà, on apprend toujours des choses quand on fait des grands relevés comme cela. Hein. Donc il y aura énormément de données qu'on pourra faire du data mining. On va avoir de l'information sur des galaxies, sur plus d'un milliard de galaxies à différents moments de l'univers. Donc, on va regarder assez loin dans le passé. Et donc, par exemple, pour la formation des galaxies, on va pouvoir apprendre des choses. Mais aussi, quand on va faire ces cartes de matière noire, moi, par exemple, je travaille aussi sur le fond diffus cosmologique, donc par exemple, le satellite Planck. Et à très grande échelle, on détectait des anomalies dans ce fond diffus cosmologique. Des choses qui montreraient que l'univers aurait peut-être une direction préférée. Ça, c'est vraiment un problème dans nos modèles de physique. Et si on fait ces reconstructions de cartes de matière noire, donc en fait, je reviens sur le fond diffus cosmologique, donc on a ces anomalies à très grande échelle, et ces anomalies, elles peuvent soit être dues à une théorie exotique qui dit, en fait, moi, je prédis des anomalies à très grande échelle et du coup, il faut revoir ce modèle standard de la cosmologie. Soit ça pourrait être des choses un peu plus banales, des effets d'avant-plan. Et en fait, il y a un effet d'avant-plan qu'on comprend assez bien, qui s'appelle l'effet Sax-Wolf intégré et qu'on peut mesurer si on a des super cartes de la matière noire que Euclide va nous produire. Quoi. Et donc, moi, j'ai travaillé avec d'autres relevés de galaxies. On faisait des cartes de cette fameux effet Sax-Wolf intégré. Et on pouvait regarder avec Planck. Et nous, on voyait que, a priori, ces anomalies à grande échelle disparaissaient, en fait. Et n'étaient pas fondamentalement la signature d'un modèle exotique de la physique. Donc, il y a d'autres modèles, d'autres endroits de la physique qu'on peut tester. exister. Et puis, il y a toujours ce lien entre d'autres satellites spatiaux, en fait, comme Planck, par exemple. OK, d'autres satellites spatiaux, tu as dit. D'accord. Oui. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Ah. La mission Euclide, c'est quoi, en fait? C'est un truc sur Terre? C'est un truc dans l'espace? Oui, c'est une mission spatiale. Donc, l'idée, c'est d'avoir un télescope qu'on va mettre sur un satellite, envoyé dans l'espace. Et ce télescope va à la fois prendre des photos, donc de ce que nous on appelle de la photométrie de galaxies, mais aussi de la spectroscopie, c'est-à-dire mesurer le spectre des galaxies, donc regarder l'intensité lumineuse à vraiment différentes longueurs d'onde de manière très précise. Ces deux choses nous apportent beaucoup d'informations. Sur la distance aux galaxies et aussi sur la forme des galaxies pour faire ces effets de lentilles gravitationnelles. Donc, c'est deux choses, en photométrie, les photos, et spectrographie pour mesurer les spectres. OK. Joanne, tu avais des questions techniques? Donc, quelle est la taille du miroir, en fait, et les longueurs d'onde d'atteinte comparer, par exemple, avec un satellite que les gens connaissent bien, qui est Hubble, par exemple? Oui, voilà, donc le diamètre, c'est 1,2, c'est plus petit que Hubble. Après, pour les longueurs d'onde, bon, c'est dans le proche infrarouge et le visible. Donc, ça va être, je crois que c'est légèrement moins, la résolution est légèrement moins bonne que Hubble. Mais en fait, c'est pas la même question à laquelle on répond. Donc, si vous connaissez ces fameuses photos du champ ultra profond de Hubble, qui sont des images magnifiques pour moi. Vraiment, je conseille à tout le monde d'aller regarder sur le site d'Hubble le champ ultra profond de Hubble. Une image de galaxies, certaines des galaxies les plus éloignées dans l'univers. Et on a cette image dessus, on ne s'en rend pas compte, mais il y a 10 000 galaxies dessus. C'est vraiment une photo pour moi qui force l'humilité. Et en fait, cette photo, si on la compare à un autre astre qu'on connaît dans le ciel, comme la Lune par exemple, ce champ ultra profond de Hubble, voilà, il s'affiche sur le site web de Podcast Science. Si on le compare à la taille de la Lune, en fait, cette image, elle est extrêmement petite par rapport à la taille de la pleine Lune. Et donc, c'est vraiment ça la différence entre Hubble et Euclide, c'est que Euclide, lui, va faire des observations sur la quasi-totalité du ciel extragalactique. Donc, mesurer la position des galaxies. Donc, juste pour redéfinir ce terme, le ciel... si on le regarde la nuit, on a cette voie lactée, donc notre propre galaxie, qui en fait nous obscure une partie de la vue. Donc pour les cosmologistes, nous, le fait qu'il y ait la voie lactée en plein milieu du ciel, ça nous gêne, parce que nous, on veut voir derrière, on veut voir les autres galaxies. Pour nous, c'est quelque chose qu'il faut enlever. Pour d'autres, c'est quelque chose de très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Hein, mais en science, on dit les bruits de quelqu'un et le signal de l'autre. Hein, donc, on s'échange les données quand on arrive à enlever le bruit de la galaxie. On donne les données à quelqu'un d'autre qui s'en sert. Mais donc, nous, on veut vraiment observer les galaxies qui ne sont pas la nôtre. Et donc, c'est ce qu'on appelle le ciel extra-galactique, extra, en dehors, galactique de notre galaxie. Et donc, Euclide va vraiment sonder la quasi-totalité, je crois, les trois quarts du ciel extra-galactique. Okay. D'accord. Tu avais une autre question de geek ou... Tu as pas mal répondu. Tu disais... je pense que tu as pas mal répondu. C'était sur est-ce que le miroir est plus petit que d'autres missions scientifiques, mais est-ce que c'est suffisant pour les objectifs scientifiques que tu dis? Mais ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément la résolution qui t'importe plus que le champ, en fait. Voilà, la vraie force de Euclide, c'est les statistiques, donc c'est-à-dire le nombre de galaxies qu'on va mesurer. Alors il y a une bonne résolution, c'est dans l'espace, alors c'est vraiment. Pour faire des lentilles gravitationnelles aussi, c'est pour ça qu'on va dans l'espace, parce qu'on veut mesurer des déformations tellement faibles que si en plus on doit avoir les déformations dues à l'atmosphère, donc quand on a un télescope au sol, la lumière voyage pendant des millions d'années-lumière et au dernier moment, elle est perturbée par l'atmosphère. Donc c'est quand même dommage. Alors si ce n'est pas un problème, on le fait du sol, parce que ça coûte très cher d'envoyer un télescope dans l'espace. Si c'est un problème, là, comme ça l'est pour les lentilles gravitationnelles, on envoie le télescope dans l'espace. Mais du coup, on n'a pas besoin d'envoyer un télescope avec un très, très grand miroir. Le fait que ce soit dans l'espace, c'est assez pour avoir un petit miroir. Mmh. Okay. On va l'envoyer où exactement, ça? Alors, ça va être donc ce qu'on appelle un point lagrangien. Donc, ça va pas être comme Hubble, ça va pas être en orbite autour du ciel, mais ça va être un point stable qu'on appelle les points lagrangiens. Grosso modo, en équilibre entre la Terre et le Soleil, c'est ça ? Voilà. Alors, ouais, je crois qu'il va être de l'autre côté, mais oui. D'accord. Ouais, bon, je sais pas. Okay. Voilà, je crois que c'est L2. Hein. Alors, vous pouvez regarder sur le site web de l'Agence européenne spatiale. Ouais, c'est ESA.int, ouais. Et puis il y a une page sur le point L2. Ouais. Voilà, c'est ça, L2. C'est effectivement le point L2. Ouais. Mm-hmm. D'ailleurs, moi je me demandais comment est-ce qu'il. Parce qu'il commençait à y avoir du monde, parce qu'il y avait déjà les précédents satellites de l'ESA qui étaient déjà là-bas, et Planck et Herschel. Et je me demandais comment est-ce qu'ils se débrouillaient pour mettre tout ça en fait, au même endroit. Mais bon, J'ai posé cette question une fois à un ingénieur à l'ESA, parce que je me disais la même chose. Uh-huh. Et en fait, il a un peu rigolé, il m'a dit mais L2, c'est grand. C'est grand. Point. D'accord. Parce que quand on fait les maths, on a fait les dessins, c'est un point, mais en fait, c'est grand. Donc, je crois que pour l'instant, ça va. On a notre premier dessin de Pouillot dans la chatroom, donc vous pourrez aller le voir dans les notes de l'émission, qui dit qu'avec pour observer l'énergie sombre, c'est super simple, il faut équiper le satellite avec une lentille spéciale fabriquée en matière sombre. Super, exactement. Et sinon, on a Ewi qui a une âme de poète qui... Je reste encore une heure de plus. Et sinon, on a Ewi qui a une âme de poète qui demande est-ce qu'on peut mettre des lentilles gravitationnelles dans une casserole pour faire un petit salé galactique. Voilà, c'était mon intervention du soir. Très bien. J'ai bien sûr quelqu'un a trouvé une photo. No comment. Cette chatroom est toujours aussi créative. La mission sera lancée quand concrètement ? Alors la mission est prévue, le lancement est prévu pour 2020. Mm-hmm. Voilà, décembre 2020, je crois. Et la mission va durer 6 ans. Donc 6 ans pendant lesquels on va prendre des données, les rapatrier vers la Terre, les dégrossir et ensuite les analyser de manière très très approfondie. Voilà, et donc on va les premières données, on va avoir peut-être au bout de quelques années des données, mais c'est vraiment la force de Euclide, c'est d'avoir l'ensemble de ces données sur l'ensemble du ciel extragalactique. Voilà. Ok, donc, c'est vachement long comme mission. Ce que j'ai compris, ça a été validé en 2011. Alors, ça va être lancé en 2020. On aura les résultats en 2026, en gros, finalement, enfin l'ensemble des résultats. Alors, justement, avant d'être validé donc en 2011, ça a commencé, alors je crois, je me rappelle plus, c'est 2002 ou 2004. Ah ouais, donc, les premiers éléments de cette création de mission spatiale. Il y avait en fait deux missions spatiales qui ont été regroupées en une. Il y avait une qui s'appelait Dune, qui était la partie lentille gravitationnelle. Donc une équipe dans laquelle je faisais partie, et une autre qui s'appelait Space, qui était la partie plus sur regarder les structures à grande échelle des galaxies. Et en fait, c'est une compétition que l'ESA organise, donc il y avait d'autres missions aussi, avec des étapes, on écrème, donc il y avait 50 missions, après 25, bon, je ne me rappelle plus exactement comment elles se sont fait écrémer, et puis à la fin, il n'en restait plus que quelques-unes, et donc on nous a demandé de réunir ces deux missions, qui sont devenues Euclide officiellement en 2011. D'accord. Alors j'imagine que sur une durée pareille, les métiers changent en fait. On ne va pas faire les mêmes choses aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a 10 ans ou qu'on fera dans 10 ans. Enfin, c'est peut-être le moment de nous parler un peu du consortium, comment il est organisé, qui fait quoi, quels sont les métiers, les types de chercheurs impliqués. Qu'est-ce qu'on fait concrètement en attendant que le satellite soit lancé ? Alors, on fait plein de choses. Alors, je vous rassure, ça bosse très, très dur. Donc déjà, pour revenir, Euclide, donc comme j'ai dit, c'est la plus grande collaboration d'astrophysique à avoir jamais existé. C'est 14 pays, 1300 personnes. Donc, c'est surtout des pays européens, mais aussi une partie de la NASA, une partie du projet, c'est la NASA qui travaille dessus. Et il y a plus de 120 laboratoires qui sont impliqués dans ce projet. Donc juste pour donner une ampleur du projet, il y a de toutes sortes de métiers qui sont tous déterminants pour la réussite de Euclide, que ce soit ingénierie pour la création des détecteurs, du télescope et pour l'analyse de données. Donc on va avoir énormément de données, donc tout ce qui est analyse de données, c'est très très important. Et aussi donc un groupe théorique très grand sur comment, quelles sont les meilleures stratégies, enfin déjà quelles sont les questions, parce que ça en fait c'est pas toujours clair, quelles sont les questions, quelles sont les stratégies ensuite, donc par exemple le fait qu'on veut observer le la quasi-totalité du ciel extragalactique, ça c'est quelque chose, vraiment des calculs qu'on fait depuis très longtemps pour répondre, pour dire ok, ben, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la stratégie. Par exemple, est-ce qu'il faut regarder un tout petit bout du ciel mais faire des longues pauses, ou est-ce qu'il faut regarder une très large partie du ciel et moins profond. Donc, tout ça, c'est des questions qui sont non triviales et qui prennent des grandes équipes pour répondre à ces questions. Et donc, le consortium, c'est vraiment une équipe solidaire de personnes qui travaillent ensemble pour un but commun avec des outils et des spécialités différentes et complémentaires. Ok, mais donc il n'y a pas un lieu géographique qui concentre tout ça? Vous bossez tous à distance? On est en fait employés dans nos laboratoires partout, ouais, en Europe, et on se réunit très régulièrement. Donc chaque année, on a une grande réunion du Euclid Consortium où le plus de personnes essayent de venir. Donc cette année, c'était à Lausanne. L'année dernière, c'était à Lausanne. Et sinon, on a beaucoup de groupes de travail. On travaille énormément par Skype, ou par téléphone en conférence, mais on se rencontre aussi un peu partout dans le monde. Et c'est aussi la vision qu'on a peut-être de la science. J'ai parlé des centenaires de la relativité générale d'Einstein. Voilà, on voit une photo qui s'affiche du consortium. Alors ça, c'est pas de cette année, de l'année dernière, mais d'il y a quelques années. Einstein, on peut s'imaginer quelqu'un de plutôt qui travaille seul, solitaire, ses papiers qu'il a écrits sur la relativité générale, c'est le seul auteur, voilà. La science a énormément changé. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont je voulais parler, c'est la science n'est pas quelque chose qui flotte indépendamment du reste de la société, indépendamment du temps, des époques, des modes. La science existe dans un contexte et c'est bien. Donc, la science impacte le monde et la science est impactée par le monde. Aujourd'hui, on vit dans un monde avec Internet, avec des ordinateurs, Skype, tout ça, des détecteurs, des appareils photo numériques. Tout ça, ça a vraiment changé la façon dont on fait de l'astrophysique. Quand on y pense, à un moment, la première personne qui a mis un appareil photo au bout d'un télescope, ça a vraiment changé l'astrophysique. Donc, il s'est fait un appareil photo avec un super téléobjectif. Il y avait un télescope au bout, donc ça, c'est il y a déjà bien longtemps. Mais aujourd'hui, la science continue de changer avec le monde. Et on ne pourrait pas avoir des grandes collaborations avec 1300 personnes, 120 laboratoires, si on n'avait pas toute cette technologie aussi à portée de main. Et de la même façon, la recherche fondamentale impacte la façon, le reste de la société et la technologie. Donc, il y a un capital technologique qui vient de la recherche fondamentale. Donc, je ne sais pas si vous allez me poser la question de à quoi ça sert la recherche fondamentale. Voilà, la recherche fondamentale, à quoi ça sert de faire ces missions spatiales? Moi, j'ai envie de parler de ça, parce qu'on me pose souvent la question, et alors, je pense aussi qu'on est, dans une époque où il y a des difficultés de financement de la science, et donc c'est important de rappeler l'importance de le rôle de la science dans notre société. Donc tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça a de réfléchir à notre place dans l'univers, de réfléchir que nous sommes de la poussière d'étoiles. Toutes ces questions, elles sont poétiques, elles sont philosophiques, mais ce ne sont pas des questions banales. Et l'astrophysique contribue à ça. Et donc ça vaut aussi pour la robotique, pour la biologie, pour la génétique. Ce capital culturel de la recherche fondamentale est important pour la société, et je pense que ce serait un crime d'arrêter de faire la recherche fondamentale pour cette raison. Donc il y a ce capital culturel, il y a aussi ce capital technologique. Donc quand on étudie la physique, eh bien, en bout de chemin, il y a des avancées technologiques qui servent à tout le monde. Elles sont souvent imprévisibles, mais on regarde historiquement et on se rend compte que ça a des impacts très, très, très puissant en fait sur la société. Donc si on regarde dans les années 30 par exemple, avec le développement de la mécanique quantique, tout ça, ça a eu un impact sur la création la fabrication des transistors, des ordinateurs, tout ça, et le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'existerait pas s'il n'y avait pas eu ces études. Donc le capital technologique et innovation de la recherche fondamentale est très important. Et puis ensuite, bon, moi le dernier point, le dernier produit de la science aussi, c'est le capital humain. Donc les sciences, comme je disais, les scientifiques, comme je disais, ils ne sont pas des chercheurs solitaires. Ce sont des gens qui travaillent en équipe avec un large panel d'outils technologiques, analytiques et tout ça. Et c'est sont très importants pour l'industrie de l'innovation. Moi, j'ai deux questions sur ce que tu viens de raconter. C'est quoi la limite entre recherche théorique, recherche fondamentale et pas fondamentale en astrophysique? En cosmologie. En cosmologie, je veux dire, il y a des gens qui font de la cosmologie non fondamentale ou tout le monde est en recherche fondamentale? C'est une vraie question, hein, je fais pas mon oui, troll. En instrumentation, donc si on voilà, on développe des détecteurs qui n'existent pas sur le marché, des détecteurs infrarouges qui vont être utilisés pour cette mission. Donc ça, c'est de l'instrumentation, c'est de la technologie brute, quoi. Donc je vois Johan qui fait non. Non, j'en ai peut-être en conversation avec quelqu'un. Ah, d'accord, ok. Non, je regardais la chatroom. C'était pas du tout que j'ai. Mais du coup, d'accord. Ok, c'est ça que tu dirais qui est un peu. Parce que ça, il n'y a pas de recherche à faire pour créer les instruments. C'est vraiment de la technique, finalement. Oui, mais alors c'est. Si, c'est. Enfin... J'ai quand même besoin d'une recherche. Non, mais je pose des questions. Voilà. Moi, je viens du monde de la recherche. Enfin, le peu de recherche que j'ai vu, c'est en maths. Donc, c'est très particulier. Ça va être lié à ma deuxième question aussi. Donc. Bah moi, je suis dans l'instrumentation astrophysique et oui, c'est compliqué d'essayer de convaincre les astronomes que oui, il y a de la, quand même de la recherche en instrumentation. Ah oui, que, en gros, les instruments spatiaux et astrophysiques, c'est vraiment le top du top en fait, de ce que tu peux faire. Et tu fais souvent qu'un seul instrument pour un objectif très précis. Et donc forcément, ça demande des années de recherche pour un instrument qui ne servira qu'une seule fois. Donc c'est ça qu'on caractérise comme de la recherche plus appliquée, du coup. C'est plus appliqué. Bon, après, je ne sais pas comment définir cette ligne entre recherche fondamentale et appliquée. C'est peut-être difficile, mais en tout cas, ce que je veux dire, il y a des applications par la suite de ce qu'on fait en recherche fondamentale. Que ce soit en astrophysique, donc la relativité générale d'Einstein, par exemple, nous aide à fabriquer des GPS. On se sert de cette équation pour faire les GPS. On peut avoir des développements de détecteurs qui peuvent ensuite être utilisés dans l'industrie. Mais on ne peut pas toujours prédire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut le faire. Et puis, il y a des choses qui arrivent. Et si on ne le fait pas, on sait rien. Il n'y aura rien. Donc, il faut absolument le faire. Et ma deuxième question, c'était sur le côté de travailler en équipe. Je suis assez intrigué et j'aimerais bien que tu nous parles un peu, si on a un peu de temps, de comment concrètement ça s'organise, de travailler surtout avec des équipes aussi gigantesques. Est-ce que c'est finalement plein de gens qui travaillent ou plein de petites équipes qui travaillent dans leur coin à une petite partie du projet, ou est-ce qu'il y a vraiment des interactions très très fortes, très régulières, des échanges, etc. Enfin, comment ça s'organise? Oui, ben alors c'est très très bien organisé, hein, parce qu'il faut... il faut faire interagir toutes ces équipes différentes dans un temps limité. Alors je sais que quand je parle de 2004 à 2020, on pense que c'est long, mais en fait on a beaucoup de choses à faire, donc on n'a pas de temps à perdre. Donc on a une structure de management sur comment les différentes équipes interagissent. Après c'est le côté management aussi. On sait que des très très très grandes équipes ne peuvent pas fonctionner comme ça. Il faut les couper en petits bouts. Donc c'est comme ça qu'on fait. On travaille beaucoup par téléphone, par vidéoconf, ce genre de choses. En management, on sait aussi que les personnes doivent se rencontrer de temps en temps. Donc on a beaucoup de réunions en Europe, des petits groupes de travail. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un challenge, hein, bah, ça, c'est en sûr. Partie, et du coup je continue vite fait parce qu'après c'est quand même pas le gros du sujet, mais tu dis donc c'est tout un défi management, j'imagine bien ça, et comment ça, qui sait, qu'il y a des gens dont c'est le métier en fait de vous gérer, de vous organiser, de faire les gentils animateurs, ou c'est vous entre vous qui avez mis en place toute cette organisation? Oui, et donc on a, alors bon, le consortium a mis en place une organisation. Mais c'était requis, d'après ce dont je me souviens, hein, c'est requis par l'Agence européenne spatiale. Donc, comment ça se passe, c'est que un groupe de scientifiques soumet une idée de mission spatiale à l'ESA, qui ensuite sélectionne l'idée en regardant la faisabilité, l'intérêt scientifique, et ensuite la faisabilité technique, mais aussi le fait que le consortium peut mener à bout cette tâche. Enfin, réussir la mission, en fait. Donc, c'est aussi le consortium, par la suite, qui est sélectionné par l'ESA pour mener à bien la mission. Et donc, il y a des impératifs de montrer qu'on peut s'organiser. Donc, ça, c'est formalisé par l'ESA. d'évolution des mœurs, de travail en équipe, d'interaction entre la culture, la science, etc. Mmh. J'ai une question pour toi. Est-ce que vous êtes beaucoup de femmes à travailler au consortium? Alors déjà, il y a plus de femmes qu'on le pense en sciences. Enfin, je ne sais pas. Bon, non, c'est pas ta question en fait, mais non, on m'a souvent demandé. Que j'ai vu quelque chose, c'était 30-34% de femmes. Voilà. Alors ça dépend des sujets. Donc les chiffres de la Commission européenne. Donc chaque année, l'Union européenne publie des chiffres sur les femmes en sciences tous les deux ans. Sur les femmes en particulier en STEM. Donc STEM, c'est S, science, T, technologie, E, engineering, ingénieur, et M, mathématiques. Et leurs chiffres disent qu'il y a à peu près 40% de femmes en doctorat dans ces matières-là. Donc il y en a moins en ingénieur, mais en moyenne. Et ça, depuis 20 ans. Donc voilà, donc au niveau du doctorat. Mais ensuite, ça baisse assez vite. Hein, donc les femmes ont du mal à rester à grimper les échelons, en fait. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes en sciences. En astrophysique et en cosmologie, moi, j'ai l'impression qu'il y en a plus encore que dans d'autres domaines, peut-être qu'ingénieurs, par exemple. Par contre, comme dans tous les métiers, donc ça revient un peu à ce que je disais, que la science existe, n'existe pas dans le vide, mais existe dans une société. Hein, donc, il y a des difficultés dans d'autres domaines, hein, dans la société pour les femmes, et ces difficultés existent aussi dans la science. Si on a l'habitude d'écouter des émissions scientifiques, peut-être que les scientifiques qui sont invités vont plutôt être tendance à être des scientifiques avec plus d'expérience ou des professeurs, et du coup, on va peut-être avoir plus d'hommes qui sont invités, et ça va biaiser aussi notre compréhension de combien il y a de femmes en sciences, parce qu'elles sont plus dans les parties juniors, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a ce stéréotype du vieux savant fou en blouse blanche. Enfin, dans la représentation type, on se représente un vieux, quoi, et pas forcément une jeune femme. Alors, il y a souvent cette photo d'Einstein, où on s'imagine Einstein avec des cheveux blancs, avec les cheveux un peu fous, qui tire la langue, donc cette image solitaire. Et justement, ce n'est pas ça. Je veux dire, c'est vraiment des collaborations, c'est vraiment du travail d'équipe. Il y a des gens de tous les pays, des gens qui parlent toutes les langues, et c'est vraiment une richesse. Hein. C'est un milieu très, très riche. Par contre, je pense qu'il y a du travail à faire en sciences pour être plus inclusif. Il y a quand même un problème de diversité. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est très riche, mais on peut mieux faire, quoi. Ouais. Donc, tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Vous êtes nombreuses. Alors, je ne sais pas les chiffres pour Euclide exactement. Mais je peux dire qu'en astrophysique en général, donc moi j'avais participé à faire un sondage au Royaume-Uni, j'ai fait ma thèse au Royaume-Uni, on avait fait un sondage en 2009-2008 et on avait vu qu'il y avait 35% de femmes en astrophysique au Royaume-Uni. D'accord. Donc je pense que c'est cet ordre-là en Europe. Là. Okay. Et toi Anaïs, tu es tombée comment dans la soupe de l'astrophysique? Disons que j'aimais bien les sciences quand j'étais petite, mais donc je suis tombée dans la soupe quand même très jeune, je pense. Une chose qui m'a vraiment attirée vers l'astrophysique, c'est tout bête, c'est l'histoire des années bissextiles. Donc ce fameux 29 février où j'étais en primaire et je me disais, mais c'est quoi ce jour que je dois faire de plus? J'ai pas envie de... J'avais l'impression de m'être fait avoir, donc j'avais demandé à mes parents de m'expliquer, et puis ils avaient commencé à prendre une feuille, à dessiner la Terre, le Soleil, et puis alors je m'étais énervée, j'ai dit non, mais vous avez pas compris, moi le 29 février, je parle pas de la Lune, je parle pas de la Terre, là. Ils m'ont dit non, mais c'est lié, et donc ça m'avait vraiment scié, qu'il y avait quelque chose dans l'espace, dans un système solaire qui allait avoir un impact sur le fait que je devais aller travailler un jour de plus en février. Et du coup, ça m'avait mis le contexte, en fait, que voilà, l'univers peut avoir un impact sur nos vies. Et quelques années plus tard, ou alors la même année, je ne sais plus, il y avait eu un astrophysicien qui était venu dans mon école primaire et qui nous avait parlé du Soleil. Et du coup, là, j'ai découvert que c'était un métier, parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit que c'était un métier. Donc ça, très jeune. Après, j'ai aussi eu d'autres rêves. Donc j'avais dit, ouais, astrophysicien, ça a l'air vraiment génial. Après, je voulais aussi être biologiste, je voulais être poète, chanteuse, plein d'autres choses. Mais disons que, voilà, au lycée, déjà, je me disais, si c'est possible d'aller dans cette direction, j'irai dans cette direction. Maintenant, je dois dire que je suis très, très intéressée donc par la diffusion de la culture scientifique, la vulgarisation scientifique. J'avais commencé à faire ça parce que je pensais vraiment que ça allait m'aider à être une meilleure scientifique. C'est-à-dire que quand je devais expliquer les concepts que j'étudiais à quelqu'un, c'est là qu'on se rend compte si on les comprend ou pas, en fait. Si on arrive à les expliquer, si on n'arrive pas à les expliquer, c'est qu'il faut réouvrir les bouquins et réviser un petit peu. Donc ça, j'avais commencé à faire la diffusion de la culture scientifique pour cette raison. Et je me suis aussi vraiment passionnée de ça. Et je me suis aussi vraiment passionnée de... Voilà, donc plus j'en faisais aussi, plus je me confrontais à cette question de à quoi ça sert la science. Et des fois, on me le disait avec un gros sourire, et des fois, on me le disait de manière un peu agressive... pourquoi vous dépensez nos impôts et tout ça? Et en fait, c'est une super question. Et je me suis aussi passionnée de répondre à cette question. Et là, je m'intéresse aussi beaucoup à la place de la science dans la société, le transfert technologique, le transfert des connaissances. Toutes ces choses-là sont vraiment des choses aussi qui, pour moi, sont une évolution naturelle aussi de mon intérêt pour la science et pour l'astrophysique. Pour poser une question beaucoup plus terre-à-terre, du coup, mais en lien avec ce que tu viens de dire, la mission Euclide, elle coûte combien? Alors, la mission, ça dépend combien on compte, mais donc ce qui a marqué sur le site de l'ESA, c'est à peu près 600 millions d'euros. Ça dépend comment on compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais fait un calcul une fois que sur tous les pays impliqués, ça revenait à peu près à 20 centimes d'euros par personne par an pour la mission. Okay. Donc, peanuts. C'est, ça, ouais. C'est surtout ça, parce que... Ah ouais. On a du mal à quantifier ça, mais c'est pas grand-chose pour quelque chose quand même de très intéressant. 600 donc, millions, tu dis ? Taux de conversion en kilomètres d'autoroute. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça fait 100 km d'autoroute. 100 km d'autoroute et C'est quelqu'un à l'agence spatiale française qui aimait bien convertir comme ça. Je trouve que c'est tout aussi parlant. Donc voilà, c'est quoi 100 km ? On va où depuis Paris en 100 km ? Alors ça prend combien de temps pour construire un kilomètre d'autoroute? Je voudrais, il faut des unités de kilomètres par an ou quelque chose comme ça. Comme la mission dure 20 ans, de l'ordre de 20 ans, 100, c'est 100 kilomètres. C'est comme si on construisait 100 kilomètres en 20 ans, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est pas grand chose. Super. Ok. Et puis on a déjà une idée des retombées possibles. Donc on a bien compris qu'il y aura de toute façon des retombées, même si on les a pas encore identifiées. Mais les retombées qu'on attend, on en a identifié quelques-unes déjà. Oui, donc c'est tout ce dont je parlais sur le. Donc c'est vraiment quelque chose de scientifique, hein, donc de comprendre la nature de cette matière noire et de cette énergie sombre, de tester les lois de la relativité générale à grande échelle. D'accord, j'ai mal formulé ma question en fait. Je pensais aux retombées pour le grand public. Est-ce qu'on a déjà identifié quelque chose en fait ou... Alors là, c'est vraiment un domaine où c'est très difficile en fait de voilà donc encore une fois regardons le passé la mécanique quantique nous a donné l'électronique je veux dire aujourd'hui là je tiens un smartphone dans ma main on n'aurait pas ce smartphone on n'aurait pas l'internet on n'aurait pas d'écran tactile on n'aurait pas de voilà le l'appareil photo tout ça donc si dans les années 30, on avait parlé avec les chercheurs qui travaillaient sur les mécaniques quantiques. Jamais ils nous auraient dit c'est pour faire un smartphone qu'on fait ça. C'est sûr. Et encore une fois, on voit l'échelle de temps, c'est très grand. Donc, pour des choses très, très théoriques comme l'astrophysique, je préfère ne pas m'avancer avec des choses fantastiques parce qu'on peut regarder dans le passé et voir déjà qu'il y a des choses fantastiques qui se sont passées. Et encore une fois, ce chiffre de 20 centimes d'euros par an, il faudrait que je refasse le calcul pour savoir exactement ce que c'est. Il faut aussi mettre ça en contexte. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas dire exactement quelles vont être les retombées technologiques et utiles pour la société. Pour 20 centimes par an, est-ce qu'on est prêt à faire ce voyage ensemble, voilà, cet effort ensemble? J'espère que oui, parce que, ça, comme je disais aussi, pour le capital culturel, ça fait aussi partie... de ce qui nous définit en tant qu'humain, de se poser ces questions, de regarder dans le ciel. Voilà. C'est vrai. On pourrait faire des épisodes entiers là-dessus. Quoi. C'est des questions qui motivent l'humanité toujours. On se demande d'où on vient, ce qu'on est, où on va. Et puis d'autres institutions que la science se sont emparées de ces questions et ont imposé leurs réponses par la force. Donc, c'est quand même merveilleux qu'on arrive enfin à se les poser vraiment, quoi, sincèrement. Alors, c'est vraiment le dernier siècle pour la cosmologie a été le siècle des données. C'est-à-dire que la cosmologie est passée d'un champ plus philosophique à un champ d'observation quantitatif, en fait. Et c'est une époque formidable pour pouvoir faire de la cosmologie ou être le grand public et d'attendre quelles vont être les réponses de Euclide. Et en tout cas, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est le grand public qui finance cette mission et donc c'est leur projet. Donc c'est vraiment... voilà... Du coup, le projet rendait compte au grand public. Voilà, donc on a une obligation de rendre les données publiques aussi au bout d'un certain temps, justement parce que c'est public. Voilà. Et puis aussi de diffusion des résultats, de diffusion de la culture de scientifique aussi. Oui. On a une question dans l'équipe ? Non, ça a pas mal discuté dans la chatroom de tout et n'importe quand. On a fait plein de jeux de mots sur l'énergie noire, etc. Est-ce qu'on a eu la question ? Je ne suis pas sûr. Il y a peut-être un moment où je n'ai pas écouté sur le nom de Euclide, parce que je crois qu'elle a été reposée. C'est moi qui ai reposé la question. Tu l'as peut-être posée deux fois. Ouais. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Euclide ? Oui, c'est pour le côté géométrie, en fait. Voilà, pour la cartographier la géométrie de l'univers, donc le père de la géométrie. Voilà. D'accord. Toi, à titre personnel, c'est quoi qui t'emballe le plus dans ce projet ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui t'emballent. Je ne sais pas si tu arrives à les hiérarchiser. Beaucoup de choses m'emballent. Ce que je disais tout à l'heure, je trouve ça beau qu'on se trouve à 100 ans après la relativité générale avec cette équation, ce signe égal, et on est en train de mettre un énorme point d'interrogation sur ce symbole égal. Et voilà, donc moi, ce que j'aimerais bien, ce qui m'intéresse, c'est de tester ces modifications, ces possibles déviations de la relativité générale. Bon, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans le projet, mais je trouve ça symboliquement très intéressant. Toi, ton intuition, c'est que la relativité générale d'Einstein va survivre à ces observations ou elle risque d'être remise en question ? Je pense qu'il y a des fortes possibilités qu'elle soit remise en question aux très grandes échelles. Donc là où on n'a que certaines mesures et que du coup on a besoin d'énergie sombre, moi je ne serais pas surprise. Maintenant, on garde l'esprit ouvert. Disons que c'est toujours intéressant hein, quand une théorie, on montre qu'elle est fausse, et on est humain, quoi. Disons que c'est un peu plus intéressant que si on montre que ça marche. Mais si on montre que ça marche, c'est quand même intéressant, parce qu'on comprend plus de choses sur l'énergie sombre. Soit on montre que la relativité générale ne fonctionne pas comme on pensait qu'elle fonctionnait, révolution scientifique, soit on comprend vraiment ce que c'est que l'énergie sombre, une énergie complètement exotique qui n'existe pas sur Terre, aussi quelque chose, une révolution scientifique. Donc, Les amis, avant qu'on arrive gentiment à la fin, est-ce qu'on a des questions de la chatroom éventuellement pour Anaïs ? Il y a une question un petit peu hors sujet. Je ne sais pas ce que tu as la réponse. Moi, j'en ai fait. Apparemment, aujourd'hui, monsieur le docteur Kraus a sorti un tweet en disant qu'il y avait une rumeur apparemment que LIGO aurait découvert des ondes gravitationnelles. Je ne sais pas, est-ce que tu as une réponse sur ça ? Alors, je n'ai pas suivi. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs. J'ai vu sur Facebook. J'ai vu que sur Facebook, LIGO, ils avaient dit qu'ils ne feraient pas de press release tant qu'ils n'avaient pas leur papier référé. 5 sigma. Voilà. Alors, 5 sigma. Non, mais déjà référé. ce qui est une bonne chose. Donc, voilà. Les ondes gravitationnelles, c'est... quelque chose de très très très intéressant lié à la relativité générale, lié à la cosmologie. Alors je ne sais pas quelles sont les rumeurs, mais gardez les yeux ouverts pour ça. S'il y a quelque chose qui sort dans les prochains jours, ça va être très intéressant. Ça marche. Et le projet Euclide, où est-ce qu'on peut se renseigner si on a envie d'en savoir plus ? Alors il y a un site web de l'ESA, donc esa.int. Là, on cherche Euclide. Ok. Il y a un site web du consortium Euclide aussi. C'est euclide-ec.org. Voilà, c'est exactement. Ça. Donc Euclide sans E à l'anglaise. Oui, à l'anglaise. Tiret-ec.org. Voilà, donc ça, c'est les deux sites web qui vont donner de l'information sur les avancées de la mission. Voilà, et puis après, la presse scientifique aussi. Voilà, plus on avance vers 2020. Et plus on va en parler. J'espère bien. Ok, et puis toi ? Où est-ce qu'on peut te suivre sur l'Internet mondial ? Alors, je suis sur Twitter, Anaïs Rassa, avec un T à la fin. Et puis, sur Tumblr aussi. Donc là, comme en voyage. Il n'y a pas grand-chose ces derniers jours, mais j'essaye de poster quelque chose tous les jours sur les actualités scientifiques, voilà, donc sur Twitter ou sur Tumblr. Pour fêter aussi le centenaire de la relativité générale, j'ai fait une petite animation ludique sur les 100 ans de la relativité générale avec un super animateur qui s'appelle Owen Duffy et Jamie Lockhead qui est un producteur. Donc ça faisait longtemps qu'on parlait de faire quelque chose pour les 100 ans de la relativité générale. Et on a eu beaucoup de chance que David Tennant, le Doctor Who, number 10, quoi, il a été d'accord de faire la voix pour l'animation. Donc pour voir cette animation, c'est Einstein100.com. Donc 100, Einstein 100 en 100, chiffres, 0, 0, ouais. Einstein100.com. Et là, on peut accéder à cette animation. Donc, on voulait faire quelque chose de ludique. Et c'est à partir de lycéens et adultes. Lycéens sont des adultes, mais voilà. Donc, on espère que ça vous plaira. Et voilà. Donc, ça, on l'a lancé pour la date d'anniversaire en novembre. Du premier papier avec les équations de la relativité générale. Et là, on est à presque 800 000 vues de la vidéo, donc on est très contents. On pense que ça plaît, chouette, du coup. Ouais. Voilà. Mais donc, tout feedback, bienvenue sur le site web. Anaïs, tu as l'air de super bien parler anglais. Pardon, je t'interromps, mais tu parles. J'ai l'impression que tu as un super bon accent. Je me trompe ou. Alors, j'ai grandi entre les États-Unis et la France, donc j'ai d'enfance. Cet accent américain que j'avais même en français avant, hein, que j'ai réussi à perdre. Et j'ai aussi fait mes études en Angleterre. J'ai habité 8 ans en Angleterre. Donc moi, je n'ai pas de pays d'attache ferme. Et la Suisse, maintenant, qui me plaît beaucoup. Voilà. Tu as quelques galaxies pour t'attacher. Ouais. Voilà. Tu n'as pas tiqué quand il a dit 95, c'est que tu es bien acclimaté. Ah, ça, j'ai du mal à le dire encore, mais moi j'ai plutôt tendance à dire 95. Donc, c'est-à-dire que je suis. J'ai envie, mais je ne suis pas encore là. Mais... C'est pas plus absurde que 95. Bah, sauf que ça ne veut rien dire. 95, c'est vrai. Ok, tu étais bonne en conférence aussi. Moi, je t'avais vu à Lyft il y a une année ou deux. Merci. Devant un parterre de designers et autres geeks ébahis, tu allais leur expliquer pourquoi la relativité générale, c'est important, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. J'étais scotché, c'était génial. Merci beaucoup. Alors justement, j'ai commencé à donner des conférences comme ça avec TEDx Paris en 2010, Lyft en 2014, j'en ai donné d'autres. Et c'était vraiment la première fois où je parlais à un public tech, innovation, industrie. Et ça m'a vraiment passionnée. De justifier en fait pourquoi c'est intéressant, mais aussi de voir toutes les choses incroyables que eux font. Et j'adore ce mélange entre les scientifiques, l'industrie, les designers. Je pense que c'est fondamental, c'est déterminant pour tous les parties impliquées qu'il y ait plus d'interactions comme ça. Et justement à Lyft, donc j'avais parlé de quel est l'impact de la recherche fondamentale sur l'innovation, voilà, de mon point de vue de chercheur fondamental. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ces interactions et j'aime beaucoup pouvoir échanger avec l'industrie et le monde tech. Et bah, y avait des tas de bêtes de scène à cette conférence et puis des tas de trucs très bien. Mais honnêtement, ton talk était largement au-dessus de tout le reste. Non, merci. C'était magnifique. Franchement, si vous avez l'occasion de voir Anaïs en conférence, ça vaut vraiment le coup. Le TEDx que tu évoques, qu'on le trouve en ligne, hein, je crois. Oui, on le trouve en ligne. Alors, Lyft, malheureusement, ils ont eu un problème avec la vidéo, donc on ne la trouve plus en ligne. TEDx Paris 2010. C'est voilà. TEDxParis.com/Anaïs-Rassat. Voilà. Et mais si, donc, TEDxParis.com/Anaïs-Rassat. Mais si on Google, a priori, on tombe dessus assez rapidement. Voilà, et puis là j'ai eu l'occasion ces derniers mois de donner des conférences aussi pour l'année internationale de la lumière et des technologies basées sur la lumière organisée par l'UNESCO. Donc ça, c'était très intéressant aussi de voir donc le thème c'était la lumière et de voir tous les chercheurs qui font ou des gens de l'industrie qui font de la recherche ou de la technologie basée sur la lumière, et c'était génial. Il y avait des designers aussi, des artistes, donc ça c'était super. Et ça, ça a été alors, une captation non, je crois qu'il n'y en a pas, mais du coup, voilà, j'en donne d'autres, des conférences, peut-être. Voilà. Magnifique. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose dont on aurait oublié de parler? Alors, moi, j'avais amené mon quote. Mais, ah oui, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard, ouais. D'accord. Ah, non, mais c'est bien, t'es mieux. Bonne intervenante. Travailler dur. Ouais. Moi, je pense que j'ai tout dit. Ok, que je voulais de toute façon, voilà. Je pense que tu vas plus nous échapper maintenant qu'on on a tes coordonnées, on va te faire revenir. c'est pas possible autrement. Ok, l'équipe, vous aviez quelque chose à ajouter ou on enchaîne? Je crois que Kyrène a dû nous quitter. Hein. Tout à fait. Non, rien à ajouter. C'était tout à fait passionnant. J'ai fait un bon voyage. Je suis pas sûr de comprendre beaucoup plus ce que c'est que toutes ces choses mystérieuses, mais j'ai cru comprendre que grâce à cette mission, on allait en savoir plus. Donc, je crois que j'ai compris l'essentiel. Alors là, non, c'est le... Non, plus sérieusement, plus sérieusement, j'en ai compris un peu plus, mais je veux dire que plus on en apprend sur ce sujet, plus on se rend compte à quel point il en reste beaucoup à découvrir. Oui, d'accord. Tu t'en sors bien. Donc, pour ceux qui ont encore des questions ou pour ceux que j'aurais mal expliqué et qui n'ont pas compris, tout d'abord, moi, je veux vraiment insister là-dessus. Si un scientifique vous explique quelque chose et que vous n'avez pas compris, c'est que le scientifique l'a mal expliqué. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur Twitter. Dites-moi ce que j'ai mal expliqué. Mais en fait, c'est pas que t'as mal expliqué, c'est très lié au sujet. C'est-à-dire que je suis épaté et tu l'as dit comme ça. C'est que on a une théorie dont on est très content qui, à 95%, dit bon, là, il y a un truc, je sais pas trop ce que c'est. Et en plus, c'est lié à plein d'autres trucs qui sont pas beaucoup plus que des trucs, mais avec des noms différents. Et donc, tu. C'est. Voilà. Mais donc, j'ai compris grande idée, mais c'est vrai que plus on se plonge dedans, plus on se rend compte à quel point il y a vraiment des choses à aller regarder, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et puis surtout, ce que je trouve passionnant là en cosmologie, c'est qu'il y a des choses à regarder, on pouvait pas les regarder avant, on peut les regarder aujourd'hui. Et c'est maintenant que ça va se passer. Alors, on enchaîne avec le pitch. Pitch de la prochaine émission. La prochaine émission, c'est une émission radio dessinée qui aura lieu à Lausanne ce samedi. Du coup, bah, là, je m'adresse aux auditeurs en live. Pour les autres, je pense que c'est foutu. Enfin, vous entendrez le résultat qui sera dans le flux du podcast habituel. Mais si vous voulez participer, bah, votre dernière chance, c'est maintenant pour les personnes en live. Ça aura lieu donc au Musée romain de Vidi, à l'initiative de Mel. Et on va parler du plaisir. Alors, du plaisir, selon plusieurs focales, comme à notre habitude. On aura une focale historique, sociologique, on aura aussi un volet neuroscientifique. On aura un matheux. Alors, ce n'est pas un de nos matheux, c'en est un autre. On a réussi à dénicher un autre matheux qui revient tout près, tout exprès pour nous, du MIT. C'est Lê Nguyen, du blog Science for All, qui nous parlera du partage du gâteau, comment faire plaisir à tout le monde. Voilà un sujet qui aurait pu être abordé par Robin. Je crois qu'il l'avait abordé d'ailleurs une fois. Topo nous parlera du plaisir discret des obsessionnels compulsifs. Je ne sais pas s'il va vraiment beaucoup parler de plaisir, mais en tout cas, il va nous faire plaisir. Enfin bref, ça va être un super moment. On aura les dessinateurs du collectif... je perds le nom du collectif, ça y est, Strip Science, qui seront là. La plupart vont faire le voyage de France, donc ça va être une super équipe dans une super ambiance. Ça se passe au Musée romain de Vidi, c'est samedi après-midi, le 16 janvier, donc à 14h pour celles et ceux qui auront envie de participer à une visite guidée par le conservateur du musée, Laurent Flutsch. Un personnage ici en Suisse romande, tout le monde le connaît, quelqu'un d'extrêmement charismatique qui fait de la radio, qui est rédacteur en chef adjoint d'un journal satirique, qui est un personnage absolument formidable. C'est lui qui nous fera la présentation d'ailleurs du volet historique en nous parlant du plaisir chez les Romains. Et puis l'émission à proprement parler démarrera à 16h, ça va durer 2h à peu près, de 16 à 18, et puis ensuite on va tous manger une fondue ensemble, donc vous êtes les bienvenus. Anaïs, si tu es dans les parages, ça nous ferait vraiment plaisir de t'avoir. Ça, c'est pour la prochaine émission. Et puis, l'émission d'après, donc quand on reprend le flux normal du podcast, ce sera le mardi 26 juillet. C'est un invité, Timothée Berra, qui a étudié la mémoire, qui va venir nous parler de la mémoire des lieux, de la méthode des lieux. Pardon, je fatigue. Donc, voici son pitch. Il nous dit « Si presque personne ne remet en question sa capacité à raisonner, presque tout le monde, en revanche, se plaint de sa mémoire. » Ah, si seulement on pouvait se rappeler ce digicode. du prénom de la nièce de son beau-frère, du titre de ce film. Certaines personnes, toutefois, semblent échapper à ce destin tragique et disposent d'une mémoire impressionnante, apparemment sans limite. Ils peuvent retenir des dizaines de milliers de décimales de pi, les prénoms de centaines de personnes croisées au cours d'une soirée, ou bien apprendre l'ordre d'un jeu de 52 cartes mélangées en moins d'une minute. S'ils peuvent avoir l'air d'être des extraterrestres à première vue, ces mnémonistes, c'est comme ça qu'on les appelle, affirment pourtant que leur mémoire n'a rien d'extraordinaire. Nous sommes tous équipés d'une mémoire permettant de faire cela sans qu'on sache comment l'exploiter. En particulier, leur prouesse repose sur la méthode des dieux, une méthode de mémorisation connue depuis l'Antiquité pour mémoriser discours et argumentations. Son secret, si on imagine une situation se produire dans un lieu, en repensant à ce lieu, on retrouve l'image qu'on y a placée. Donc voilà, tout un programme. C'est notre invité Timothée Béra qui viendra nous en parler. Ça, c'est pour le 26 janvier. D'ici là, je pense que tous les épisodes seront en ligne. En principe, on devrait entendre ce pitch, n'est-ce pas, Dictatup? Allez, c'est l'heure de la quote maintenant. Donc, en bon élève, notre invité est venu avec une quote. Du coup, toi, t'en as retenu une finalement? Oui, j'ai enlevé l'autre. Ok. On t'écoute. Alors déjà, je trouve ça très intéressant de devoir faire travailler les invités. On est dur, hein. Impitoyable. Voilà, donc je devais amener une citation. J'ai choisi une ligne d'un poème de Baudelaire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette phrase. Donc la phrase, c'est « Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit ». Voilà, alors j'aime beaucoup cette phrase pour plein de raisons. C'est la première phrase d'un poème qui s'appelle « Le voyage ». Et tout d'abord, bon, au premier degré, il se trouve que j'aime beaucoup les cartes. Je collectionne les cartes des villes où je suis allée, les cartes de métro, les cartes de rando que j'ai fait. Et donc, c'est peut-être pas par hasard que je me suis retrouvée à faire de la recherche sur des cartes de galaxies, à cartographier l'univers. Mais j'aime aussi beaucoup ce symbole de l'enfant dans le poème, car pour moi, les scientifiques doivent rester un peu avoir la naïveté de l'enfant quoi, quand ils étudient la nature et l'univers à travers des yeux d'enfant, c'est-à-dire tout d'abord avec de l'enthousiasme, mais aussi sans préjugés, et juste observer et réfléchir ensuite. Et ensuite, j'aime bien, donc je le répète, hein, c'est pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Cet appétit, pour moi, c'est l'appétit des scientifiques, mais c'est aussi l'appétit pour le grand public qui participe en fait indirectement à ce genre de projet. Et je pense que c'est important d'avoir un appétit pour l'exploration et pour la science en général. Ah, c'est génial, moi j'ai rien à ajouter, c'est juste parfait, des quotes comme ça, il nous en faudrait à chaque épisode. Je crois que c'est tellement bien amené que là il reste plus qu'à conclure et à faire, c'est beau. Exactement, là on se tait humblement, on passe à la suite. La suite, bah, c'est complètement débile bien sûr, c'est le quiz du mois. Alors un petit rappel, la bière après le sport, ça aide à récupérer, info ou intox. On n'a pas reçu beaucoup de participation, ou alors... Je continue mon test, je vais courir et je bois des bières. Ouais, bah c'est bien, tu sers la science et c'est ta joie. Donc voilà, on ne vous demande pas de réponse scientifique, je crois que c'est le vieux qui va s'y coller, mais vos opinions, vos anecdotes sur la question, vos croyances, est-ce que vous pensez que ça a une chance d'être vrai ou pas? Je ne sais même pas d'où c'est sorti ce truc-là, qui c'est qui a lancé un machin pareil? Dès qu'on a le dos tourné, les petits, vous êtes, vous êtes ingérables. C'est pas toi qui a lancé ça? Mais non, c'est pas moi, comment tu veux que je lance un truc comme ça? J'en sais rien, moi. Enfin, c'est pas grave. Allez, plug pour nos prochains events. Donc, podcast Science Plaisir le 16 janvier, on vient de le dire. Et puis, Lyon Science le 7 février. Donc, Lyon Science, au départ, c'était juste une bande de copains qui se sont retrouvés pour parler de science. C'était il y a 2 ans. Les discussions étaient si intéressantes qu'on s'est dit non, mais c'est con, il faudrait qu'on partage avec d'autres. Du coup, l'année dernière, on en a fait un événement qui s'est passé à Lyon, qui était très sympa. Et puis, entre deux, il y a eu Vulgarisator à Lyon, toujours, qui était un événement de médiation scientifique absolument hallucinant, avec des gens qui faisaient la queue pour venir voir leur YouTuber scientifique préféré. Du coup, on a fusionné les deux. Enfin, on s'est rapprochés des organisateurs de Vulgarisator. Et puis, on est toujours la même joyeuse bande de copains qui avons créé Lyon Science. Et puis, cette année, ben, on vous mijote un truc de ouf pour Lyon Science 2016. Donc, ce sera le dimanche 7 février, toute la journée, à l'amphithéâtre Mérieux, à Lyon. Il y aura des tonnes d'interventions, des ateliers interactifs, des discussions, des stands. Enfin, ça va vraiment être cool, quoi. C'est des journées comme on les aime. On parlait tout à l'heure de chouettes conférences comme Lyft, TED, TEDx, etc. Bah, ça va être du même ordre, quoi. Avec plein de perspectives différentes. On va parler, il y aura beaucoup de vulgarisation scientifique, il y aura de l'astrophysique notamment, mais il y aura aussi pas mal de réflexions sur la vulgarisation scientifique. Donc ça va être du haut niveau. Je vois que, et ça me fait plaisir, Anaïs dégaine son agenda, si tu es libre le 7 février. C'est à Lyon, hein, c'est ça ? C'est à Lyon, oui. Okay. Elle l'a noté, génial. Donc, vous aurez l'occasion d'y rencontrer Anaïs Rassa également. Donc c'est vraiment super cool. Et puis, c'est toujours un petit peu la même équipe derrière, avec les mêmes ambitions, partager cet émerveillement. Il y a les dessinateurs, il y a FIP qui nous a fait une affiche extraordinaire. Donc, voilà, ça va être l'événement comme vous l'avez connu, avec le côté artisanal, soirée radio dessinée, etc. Mais en encore mieux, avec des gens formidables. Donc, bloquez la date, il faut absolument venir. Il y a un site hein, pour ça, c'est lyonscience.fr, science au singulier, et puis sauf erreur, il y a un trait d'union, je ne me rappelle jamais. Enfin, vous tapez lyonscience dans Google, en principe, ça sort. Puis voilà, trêve de discussion, c'est l'heure de conclure. J'ai parfois entendu dire que la science tuait la magie, par des gens qui ne savent pas vraiment comment ça marche, en fait. Qu'à trop chercher à comprendre les choses, on finissait par se priver du mystère et de la poésie. C'est marrant, pour moi c'est précisément le contraire. Et quoi de plus poétique et de plus magique que de chercher à comprendre notre univers, même quand il protège ses mystères et essaye de garder ses secrets. En tout cas pour moi c'était extraordinaire que de pouvoir entendre Anaïs ce soir. Merci encore Anaïs. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir. Et puis on aura même appris comment le 29 février peut pousser à devenir astrophysicien, plutôt astrophysicienne. Je trouve ça juste merveilleux. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant cet épisode dans le spectre visible et au-delà, surtout sur Facebook et Twitter. N'oubliez pas non plus de le commenter, hein. Vos feedbacks sont toujours bienvenus. Anaïs est friande de feedback et puis si vous le faites chez nous, on lui fera suivre. Donc vous avez tous les sites qu'on a évoqués, tous les points de contact d'Anaïs, notamment Twitter et Tumblr, et puis autrement les nôtres, vous les connaissez. On est partout, on est sur les réseaux sociaux, on est aussi sur podcastscience.fm et sur SoundCloud. On a hâte de découvrir vos commentaires. Même si on n'a pas toujours le temps d'y répondre, on les lit toujours avec un immense plaisir. C'est vraiment ce qui nous motive. Donc voilà, trêve de blabla. On se retrouve samedi à Lausanne pour parler du plaisir. Et avant cela, pendant et après, que servir la science soit votre joie.